collision. Mais nous l'avons dit, aucune piste n'est écartée pour l'instant, y compris la piste terroriste, bien que celle-ci soit la moins privilégiée à ce stade de l'enquête sur cet accident. Et déjà en juillet 2008, il y avait eu un accident entre deux trains quasiment au même endroit. Le bilan à l'époque était moins lourd, une soixantaine de blessés légers. L'un des conducteurs avait brûlé un feu rouge. La SNCB avait plaidé une défaillance des feux à l'époque. Conséquence de cet accident de train, le trafic est interrompu sur une grande partie de la ligne entre Namur et Liège. Des navettes de bus remplacent les trains entre Flémalle et Huy. Et il faudra sans doute plusieurs jours pour réparer les voies. Les bus tech toujours très perturbés ce matin dans le Hainaut. À Tournai, la CGSP a décidé de reprendre le travail. À Mons, les chauffeurs se prononcent en ce moment. À Charleroi, la paralysie est quasi totale. Les grévistes bloquent à nouveau les dépôts. Les chauffeurs Carolo se réuniront en assemblée générale demain. Autre grogne sociale, celle des camionneurs. Ils mènent en ce moment des actions sur la taxe contre la taxe kilométrique. À Guilanguien, dans le Hainaut, des camions empêchent l'accès au zoning. Et à Bierzet, en province de Liège, ce ne sont pas des camions qui bloquent, mais des gardiens de prison qui brûlent des palettes. Des blocages qui n'ont pas beaucoup d'incidence sur le trafic. Voyons le reste de l'actualité avec le ramadan qui commence aujourd'hui pour les musulmans. Un mois sans rien manger ni boire entre le lever et le coucher du soleil. Une tradition qui bouleverse le quotidien. Il faut veiller tard, changer ses horaires. Pas simple donc quand on travaille. Marc Hildesheim a rencontré deux collègues d'une entreprise de nettoyage qui ont décidé de vivre le ramadan différemment. Touria a 56 ans, dont 8 passés à frotter, aspirer, dépoussiérer. Pour la deuxième année consécutive, cette mère de famille a pris une partie de ses congés annuels pendant le mois de ramadan, pour pouvoir se consacrer pleinement à cette tradition. Je prends congé parce que je fais ma cuisine différemment, pas comme la cuisine pendant toute l'année. Je fais mes prières. Quand je suis chez moi, je me sens que c'est ramadan. Parce qu'on est loin de chez nous, du Maroc. Et comme ça, je fais ramadan, vraiment le ramadan comme le Maroc. Aspirer deuxième étage. Son collègue Ali a 37 ans. Lui, par contre, va continuer à travailler durant cette période de jeûne. Pourtant, il l'avoue, c'est pas de tout repos, surtout quand on exerce un métier physique. Tout à fait, on manque de sommeil, manque bien sûr d'énergie, mais on s'adapte. On s'adapte et on fait avec. Mais il le reconnaît, les efforts à consentir lorsqu'on fait le ramadan sont bien plus contraignants pour les femmes. C'est une grosse charge et je remercie beaucoup les femmes parce que c'est plus une grosse charge pour les femmes. Parce qu'autant qu'on va dire en parenthèse, je veux dire, voilà, on travaille à la limite, on a une dame à la maison qui fait le souper, non seulement elle fait le souper, s'occupe du ménage en parenthèse comme toutes les femmes et ainsi que le ramadan, c'est des charges en plus que nous, l'homme en parenthèse. La femme fait beaucoup plus d'efforts que l'homme quand même à ce niveau-là. Et bien, mot de football aussi, Sébastien, avec cette journée de relâche pour les Diables avant le départ pour la France. Un départ prévu demain. Leur prochain match, ce sera à l'Euro, lundi, face à l'Italie. Pour leur dernier match de préparation hier contre la Norvège, les Diables ont gagné 3-2. Une prestation pas tout à fait rassurante, surtout sur le plan défensif. Mais Marc Wilmots ne panique pas. On sort de 3 matchs en 8 jours où tu as 2 victoires et 1 nul. Donc finalement, je pense que je ne sais pas si on croit qu'on va gagner chaque fois 5-0 en étant très beau. Je crois que ces matchs-là, ça n'existe plus. Il faut s'arracher jusqu'au bout, mais on voit qu'on a des joueurs qui sont prêts à rentrer, qui font la différence. Et à partir de là, on a un groupe assez équilibré. Le boulot maintenant, c'est de se focaliser sur l'Italie dès demain. Mais le boulot d'abord, c'est de rentrer chez soi, de profiter un peu de la famille pendant un jour. Mardi, on part, on a le voyage. Et après, on a 2 entraînements prévus mercredi déjà, parce qu'on va se remettre tout de suite dans le bain pour préparer l'Italie. On a déjà tous les scoutings de l'Italie, évidemment. On va regarder le match qu'ils vont jouer demain. Donc, on sera attentif à tout ça. Marc Wilmots, le sélectionneur fédéral, avec Vincent Langenries, l'Italie qui rencontre la Finlande aujourd'hui en match amical. RTBF Mobile Info, ça ralentit sur tous les axes qui mènent vers Bruxelles ce matin. Effectivement, il faut ajouter 15 minutes sur le 411 qui vient de Namur, entre Overijse et Léonard, une vingtaine de minutes sur le 40 qui vient de Liège, où vous êtes ralenti à partir d'Asserode pour rejoindre Woluwe et Saint-Etienne, ainsi que sur le 40 qui vient de Gand, c'est en accordéon à partir d'Alost jusqu'à Grand Bigard, et c'est quand même 36 minutes qu'il faut ajouter sur le 19 qui vient d'Anvers, vous êtes ralenti à partir de Malines Sud. Le point sur les temps de parcours du ring de la capitale, une vingtaine de minutes à ajouter en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem, un petit quart d'heure pour la circulation extérieure entre Haut-Titre Vitré, le Carrefour Léonard. Même temps de parcours pour l'intérieur entre Hautitre et Grand Bigard. Prenez de l'avance, hein, si vous devez prendre l'avion à Liège à cause des manifestants, mais à Bruxelles à cause des embouteillages. En effet, la 201 Bruxelles-Zaventem est fort sollicitée. Il faut compter une dizaine de minutes supplémentaires pour rejoindre l'aéroport de Bruxelles National. Et enfin, un véhicule est en panne à Bruxelles dans le tunnel Reyers. Le passage s'effectue uniquement via la bande d'arrêt d'urgence en direction du centre. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Très belle journée sur Vivacité et sur la Une. C'est reparti pour une semaine de débat avec Benjamin Maréchal. Eh bien, voyons ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé ce week-end dans le pays. Vous avez la parole. Les gars, à la mi-temps, je vais chez Crefel. Hein. Mais sur crefel.be, ouvert 24h sur 24, livré le lendemain. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 0 septembre 233 466. C'est vous qui le dites. Dans un pays où les diables rouges ne rassurent pas, voici trois débats sur la table, un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 0 septembre 233 466, un accident de train fait 3 morts et 9 blessés à Saint-Georges-sur-Meuse. Train, accident, SNCB, tout ça entre deux grèves, ça vous inspire quoi ? Hier soir, une quarantaine de personnes se trouvent donc dans le train Moucron-Liers. Il y a pas mal d'étudiants qui rentrent dans leur cote. Vers 23h, le train percute un train de marchandises à une vitesse relativement importante. Sous le choc, deux des six voitures déraillent. On ne connaît pas encore les causes de l'accident. On sait simplement que la foudre avait frappé la ligne en cours de journée et que des problèmes de signalisation avaient été signalés. On ne peut pas évoquer cet accident sans évoquer le contexte, même si les événements ne sont pas liés. Samedi, la grève des cheminots s'est terminée, mais dimanche prochain, une autre démarrera, car les cheminots ont déposé un préavis de grève officiel. Le gouvernement ne lâche pas, il veut toujours augmenter la productivité des cheminots de 20% en 5 ans. Il y a un contexte. Alors la question pour vous ce matin, un accident de train fait 3 morts et 9 blessés à Hermals, oui. Train, accident, SNCB, tout ça entre deux grèves, ça vous inspire quoi ? Une révolution. Le secteur des banques veut faire disparaître les taux fixes et veut un apport personnel plus important au moment de faire le prêt hypothécaire. Est-ce que c'est jouable ? Vous avez peut-être acheté votre maison avec un taux fixe, c'est, dit-on, le préféré des Belges. Eh bien, le comité de Bâle, qui regroupe les régulateurs mondiaux de la finance, dont la Banque Nationale de Belgique, ce comité de penseurs de la banque veut faire disparaître le taux fixe, en partant du principe que c'est désormais aux clients d'assumer les risques de hausse et de baisse des taux, pour que le risque d'un emprunt ne pèse plus uniquement sur les banques, mais bien sur l'emprunteur. Demain, le taux variable pourrait donc être la norme, et ce n'est pas tout, car le comité propose aussi que l'apport personnel de l'emprunteur soit augmenté. Là où certaines banques vous demandaient déjà 20% d'apport personnel, on pourrait vous demander plus encore. Les choses devraient bouger d'ici à la fin de l'été. Le risque, c'est peut-être de compliquer encore un peu plus l'accès à la propriété. Alors la question pour vous ce matin, face à une révolution. Le secteur des banques veut faire disparaître les taux fixes et veut un apport personnel plus important au moment de faire le prêt. Est-ce que c'est jouable ? Et puis un papa loue un gîte à Flobecq pour se suicider avec son fils de 11 ans. Il ne supportait pas la rupture. Un père peut-il à ce point se sentir floué et malmené dans une séparation ? C'est l'histoire de Francky, un papa de 59 ans, fou de son fils de 11 ans, Tom. Nous sommes dans la région de Renaix. Le jeune garçon était un talent du foot que son père allait voir jouer à chaque fois. Le papa considérait son fils comme un dieu. Au club, on savait que la séparation lui faisait du mal, mais personne n'avait imaginé que le mal était si profond. Samedi matin, ne voyant pas revenir son fils, la maman a donné l'alerte. Une journée de recherche qui a fini par un drame vers 1h50 du matin. Le père avait loué un gîte de luxe à Flobecq et c'est là qu'il a tué son fils, puis calfeutré les issues et ouvert le gaz. Le papa et son fils sont morts. C'est la question pour vous ce matin. Un papa loue un gîte à Flobecq pour se suicider et tue son fils de 11 ans. Il ne supportait pas la rupture. Est-ce qu'un père peut à ce point se se sentir malmenée dans une séparation. Zoé Boss, le standard est ouvert. Acrobate du téléphone, Marion Jomotte décroche vos appels au 0 72 33 4 6 6 et liez vos SMS au 30 63 50 cents par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites. Un accident de train à Saint-Georges-sur-Meuse, la disparition des taux fixes pour vos prêts immobiliers et un infanticide suivi d'un suicide à Flaubec. Le débat, c'est vous qui le faites. Deux femmes pour faire le débat. Déborah Laurent, journaliste à 7sur7.be et Nawal Ben Salem, journaliste à La Dernière Heure, sont là pour vous accompagner ce matin. Déborah et Nawal, bonjour. Bonjour. Bonjour. Premier débat donc sur la table, cet accident de train. Trois morts, neuf blessés à Saint-Georges-sur-Meuse. Et bien évidemment, il faut penser au contexte. Avant ça, je voudrais d'abord votre mot sur l'accident, Déborah, d'hier. Ça vous inspire quoi? On est donc lundi dimanche soir. Ce sont des étudiants qui apparemment rentrent dans leur côte. Il y a une quarantaine de personnes dans le train. Cet accident vous inspire quoi d'abord? De la tristesse, de la peine. C'est des vies qui basculent pour un accident. Voilà, un accident, c'est toujours triste parce qu'on ne sait pas le prévoir et qu'on ne sait pas s'y préparer. On n'a pas encore le fin mot, mais est-ce que vous avez pensé directement à Nawal, à ce réseau, à l'infrastructure, à la signalisation, à ce timing imposé aux conducteurs de train? Est-ce que c'est à ça que vous avez pensé en premier? Mais moi, je vous avoue qu'au réveil ce matin, j'ai immédiatement pensé à un acte de sabotage, malheureusement. Parce que vu le contexte actuel, avec toutes les grèves, avec tous les autres actes de sabotage qu'il y a eu, je ne dis absolument pas que c'est un acte de sabotage. Il y en a eu une dizaine la semaine dernière, voilà, avant que la grève ne prenne. Mais j'ai immédiatement pensé à ça ce matin, en me disant, mais c'est pas possible, quoi. Ces gens ne sont pas allés jusqu'à causer un tel drame. On ne sait pas encore, mais c'est la première chose qui vient à l'esprit. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir pensé ça ce matin. Ah, il y a peut-être un problème de foudre, c'est l'enquête qui le dira, parce que la foudre est tombée sur la ligne et il y a eu hier en cours de journée des problèmes de signalisation. Est-ce qu'on doit maintenant revisiter avec cet accident, Déborah, est-ce qu'on doit revisiter les 9 jours de grève de la semaine dernière? Est-ce qu'ils avaient une importance majeure? C'est bien la preuve. Est-ce qu'ils n'avaient pas d'importance? Est-ce qu'ils sont dérisoires par rapport à ça? Est-ce qu'on doit revisiter l'histoire? Il faut un petit peu regarder ce qui s'est fait, mais il faut que l'enquête soit faite. Moi, je suis un petit peu comme Nawal, je me suis dit sabotage, mais comme Nawal aussi, je me suis dit non, c'est pas possible. Et je pense vraiment que ce n'est pas possible que les gens aillent jusque-là. Donc je suis pas du tout sûre que ça soit lié à la grève. Les cheminots avaient repris le boulot. Mais... Ah, c'est sans doute pas lié. Voilà, donc moi je pense vraiment que la foudre a dû jouer. Il venait de remettre la ligne en état à 21h30, je pense. Donc je pense que, voilà... Vu les conditions climatiques qu'on a pour le moment, ça peut arriver. Après, que faisait ce train de marchandises sur une ligne où passe un train de voyageurs problème, c'est plutôt ça. Ouais. Peut-être problème de signalisation. Est-ce que ça veut dire que pour la prochaine grève, Nawal, puisque les cheminots ont redéposé un préavis de grève en bonne et due forme qui démarrera dimanche prochain avec une nouvelle grève qui pourrait peut-être même durer une semaine, est-ce que ça veut dire que dans ce contexte-là, il faut abandonner la prochaine grève et renoncer? Mais moi, j'ai envie de demander un petit peu de décence à ces grévistes, vu le contexte. On a quand même des morts. Alors, je ne veux pas non plus qu'on prenne ça comme prétexte, la sécurité. Si jamais c'est une faille de la sécurité, je ne voudrais pas qu'on prenne cela encore comme prétexte pour de nouvelles grèves. Parce que n'oublions pas que les grèves de la semaine dernière, ça n'a rien à voir avec la sécurité. C'est pas pour ça qu'ils protestaient, c'était pour des jours de récupération. Donc je ne voudrais pas qu'on mélange tout et je leur demanderai un petit peu de décence. Peut-être, je ne sais pas, une période d'accalmie à ce niveau-là. Je pense qu'elle serait logique. Est-ce que vous souhaitez, vous aussi, alors un arrêt de revendication, Déborah, la grève qui doit démarrer dimanche prochain, on l'abandonne? Mais je le souhaitais déjà avant. J'ai déjà été invitée sur ce plateau et je l'avais dit à l'époque. C'est juste... Ils sont en train d'arrêter un pays, d'empêcher des étudiants d'aller passer leurs examens, des gens d'aller au boulot pour des jours de récup. Alors on tente de nous faire passer ça. Je me souviens, il y a un auditeur qui avait témoigné en disant oui, mais non, en fait c'est pour tout le monde. Finalement, c'est un combat pour tout le pays. Non, ça reste un combat personnel. Donc moi, je pense qu'ils doivent arrêter la grève. Point. Mais c'est pas forcément lié à l'accident. On va demander un avis à Namur. Alain, bonjour. Bonjour. Et vous souhaitez commenter cet accident de train qui a fait 3 morts, 9 blessés à Saint-Georges-sur-Meuse, train accident, SNCB, tout ça entre deux grèves. Avant de nous dire ce que ça vous inspire, est-ce que vous connaissiez quelqu'un dans ce train hier? Pas du tout. Juste un collègue. Qui était dans le train? Le conducteur. Vous êtes cheminot? Je suis cheminot, oui. Je trouve scandaleux ce que les deux journalistes viennent de pouvoir dire. Un acte de sabotage quand on sait ce qu'il y a pu y avoir la semaine passée. J'en ai vraiment presque les larmes aux yeux. Je trouve vraiment scandaleux ce qu'elle vient de dire. Alors c'est le même exercice, Alain. Quand vous vous levez ce matin et que vous apprenez qu'il y a eu un accident sur cette ligne, vous pensez à quoi, vous, directement? Vous qui connaissez le train mieux que personne, vous pensez à quoi? Un accident comme il y en a déjà eu, voilà. C'est vraiment une fatalité et c'est tout ce que je peux dire. Mais est-ce qu'on pourra dire demain, je brûle un peu les étapes, Alain, est-ce qu'on pourra dire c'est bien la preuve que la hausse de productivité qu'on demande aux cheminots est inacceptable? C'est bien la preuve que demander plus 20% de productivité en 5 ans, ce n'est pas possible? Est-ce qu'on pourra dire ça demain? Non. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est un accident, comme il peut y en avoir sur les routes, comme il peut y en avoir autre part. Je dis, quand je lis tout ce que j'ai pu voir sur Facebook aujourd'hui, je trouve ça honteux. Vous avez vu quoi? Mais des gens qui disent qu'on ne travaille pas bien, des gens qui disent qu'on préfère la jupilaire, qu'on préfère... Je dis, c'est vraiment... Les gens sont en train de tout mélanger. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Alors, sur base de ce mélange qui vous donne la nausée, je l'entends, est-ce qu'il faut renoncer à la grève de dimanche pour un moment d'accalmie, que les repères ne soient pas brouillés? Est-ce qu'il faut renoncer à la grève de dimanche? Je ne sais pas. Je pense qu'on va parler ça, de ça tout au long de la semaine. Et je vois, enfin, on verra tout ce qu'on fera. Mais pour l'instant, je pense qu'il est trop tôt. Et c'est d'abord aux victimes qu'il faut penser. Bien sûr. 3 morts dans cet accident et 9 blessés. Vous avez entendu quelques témoins dans le train, particulièrement, on l'imagine, bouleversés. Alain, vous êtes cheminot. Merci d'avoir pris la parole ce matin. Je termine rapidement avec Déborah et Nawal autour de la table. Est-ce qu'on peut encore demander 20% de productivité en plus aux cheminots ce matin, ou il faut taire cet appel, Nawal? Non, il ne faut pas taire cet appel. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Et je le répète, vu le contexte, on imagine tout de suite un acte de sabotage. On n'a jamais dit que ça l'était. C'est sans doute peut-être la foudre, on le verra dans le courant de la journée. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas tout mélanger. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ce drame que du coup, il faut prendre ça en considération et se plaindre davantage et prendre ce drame comme prétexte. Ce serait dommage, en tout cas, ce n'est pas le moment. On peut encore parler productivité ou on se tait là-dessus, Déborah? Mais je pense que c'est pas forcément lié, donc moi je voudrais m'excuser auprès de monsieur, parce que visiblement je me suis mal fait comprendre. Le sabotage, ça effleure l'esprit, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais je viens de dire, moi je me suis dit, c'est pas possible, ce n'est pas un sabotage. Pour moi, c'est pas un sabotage, c'est pas lié à la grève. Je pense que c'est effectivement un accident tragique, comme il en arrive, comme on a des crashs d'avion, voilà, là, comme on a des accidents de voiture, là c'est un accident de train, et je pense que les conditions climatiques ont dû jouer. Si c'est fatalité, c'est fatalité. La question pour vous est la suivante: un accident de train fait 3 morts, 9 blessés, c'est Hermal Souis, Saint-Georges-sur-Meuse, train, accident, SNCB, tout ça entre deux grèves. Ça vous inspire quoi ce matin? Dans un instant, deuxième débat sur la table, une révolution. Le taux fixe disparaît ou disparaîtra. Ensuite, un papa qui loue un gîte à Flaubec pour se suicider avec son fils de 11 ans. Un père atteint par une séparation, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et puis 10h45, la question qui dérange, parce que c'est toujours la grève en prison, Koun Gaines a accordé des congés de longue durée à 202 détenus. Est-ce que ça veut dire qu'on leur a pardonné? Que l'idée de sanction ne tient plus? Libre! C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées, elles glissent sur son indifférence. La neige, elle tombe très mal si elle croit lui faire peur. Grâce à l'option Grid Control, le nouveau SUV Peugeot 2008 est conçu pour dominer les éléments. Et grâce au Peugeot Private Lease, roulez tranquille au volant du SUV 2008 à partir de 269 € par mois, taxes, assurances et entretien compris, et sans apport. Découvrez-le lors du week-end de lancement, les 11 et 12 juin. Offre de location full service sont mises à condition réservées aux particuliers. Exclusivité RTBF. Dans une semaine, nos diables seront à l'euro. Enflammez le supporter qui est en vous. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. À l'occasion de la 12e édition de la Semaine Bio, organisée partout en Wallonie et à Bruxelles du 4 au 12 juin, Vivacité et la PACW vous offrent des paniers bio. Écoutez le 5 à 7 avec Cyril et partez à la découverte de cette semaine riche en activités. La Semaine Bio, allez à la rencontre des acteurs du secteur bio, en collaboration avec la PACW. Envie de vibrer, envie de fou rire, envie d'infos, envie de partager, envie de rêver. Envie de découverte. Où, quand et comme vous voulez. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables avec Queen, Renaud, Puggy, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas, Avicii, Bruno Mars. 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges. En vente partout et sur la boutique RTBF. chaque matin. Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commande l'actualité avec vous, bien sûr, avec Nawal Ben Salem, la dernière heure, les sports, et avec Déborah Laurent, 7 sur 7.be. En fonction de vos appels, un débat s'impose. Voici une révolution annoncée dans le secteur bancaire. Vous avez peut-être pris un prêt hypothécaire avec un taux fixe. C'est la norme en Belgique. Le Belge aime ce taux hypothécaire. Eh bien, ceux qui pensent la banque de demain, le comité de Bâle, des experts, dont ceux de la Banque Nationale, envisagent de faire disparaître les taux fixes, car ce n'est pas à la banque d'assumer les risques et des fluctuations. Non, c'est le particulier qui emprunte, qui doit subir ça. Alors, il y a deux éléments dans cette réforme annoncée, disparition des taux fixes et l'apport personnel beaucoup plus important au moment de faire le prêt. On fait une chose à la fois, faire disparaître le taux fixe. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est une bonne idée, Nawal? C'est très dangereux. Moi, personnellement, je suis soulagée d'avoir acheté juste maintenant et de ne pas devoir vivre cette révolution. Je pense que j'aurais dangereux été freinée. Mais le taux variable, c'est évidemment un risque. Quand on emprunte, par exemple, avec, une mensualité de 1200 euros, on peut se retrouver tout à coup à payer 1800, voire 2000 euros pour un jeune ménage. C'est très difficile. Je voudrais votre avis, Déborah, sur ce qui fonde la révolution. C'est que le secteur bancaire estime que ce n'est pas à la banque de subir le risque des fluctuations, c'est au client. Donc donnons au client un taux variable et c'est lui qui devra faire avec les aléas et des augmentations et des baisses, bah, comme plus la banque. Comme d'habitude, c'est les petites gens qui en prennent plein les dents, parce qu'à un moment, ce taux variable, c'est pas possible pour tout le monde. Nos salaires, ils varient pas en fonction, donc c'est le particulier, le client, c'est nous qui n'avons rien demandé à personne et on passe notre temps à se faire assassiner, quoi, quelque part. On n'a aucun pouvoir d'achat, de moins en moins. Mais la banque vous dit, je souffre, moi je dois vous garantir un taux sur 25 ans qui ne correspond plus à la banque. Banque, elle est là pour faire des bénéfices. Donc on ne parle, la banque, en gros, elle est en train de pleurer parce qu'elle ne fait pas assez de bénéfices. Nous, on demande juste de rembourser notre prêt et d'arriver à boucler nos fins de mois. La banque était en souffrance, Nawal. Elle devait garantir un taux qui ne correspondait plus du tout au marché. Oui, mais ça, peu importe. C'est comme le deuxième élément. Donc, ils disent qu'apparemment, ils vont demander plus de 20% d'apport personnel. C'est impossible pour des jeunes de 30 ans en moyenne. Non. Comptez une maison familiale à 300 000 euros, par exemple. Vous devez déjà apporter 50 000 euros en droits d'enregistrement, en frais de notaire. Si en plus, vous devez apporter 20%, voire 30% de la maison... Ils n'ont pas chiffré. Le comité de Bâle dit, moi, je voudrais un apport personnel plus important. Mais c'est impossible pour des jeunes. Si vous n'avez pas des parents derrière, comment voulez-vous trouver entre 50 000 et 100 000 euros de votre poche? Comment voulez-vous économiser cela à 30 ans? Ce n'est pas à 50 ans ou plus qu'on achète, c'est quand on est jeune. Et je le répète, moi j'en aurais été incapable parce que je n'ai pas ces sous-là de côté et je pense que la plupart des jeunes ne l'ont pas et tout le monde n'a pas de parents derrière. Pour éviter c'est malheureux. Les risques, ce n'est pas le bon sens. Venez avec un apport financier plus important, ça évite les risques. Ce n'est pas le bon sens. Mais non, on peut ne pas avoir d'apport personnel et rembourser ce qu'on doit à la banque mensuellement sans aucun souci. Moi, je pense que ça ne confirme de nouveau qu'une seule chose, c'est on ne prête qu'aux riches. Donc, si on n'a pas une famille derrière qui dort sur ses euros bien tranquillement, eh ben, on ne s'en sort pas dans la vie. Et moi, c'est vraiment le genre d'information qui ne fait que confirmer que la Belgique part vraiment en vrille. On ne peut pas, à ce point, enfoncer les gens. Ils n'ont pas d'aide au début. On ne fait rien pour que les gens qui n'ont pas d'aide à la base puissent s'en sortir. Décision mondiale et européenne, hein, pas que belge. On demande un avis à Courrières. Eric, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Quelle est votre profession ? Je suis intermédiaire en crédit depuis 20 ans. Alors vous connaissez la banque, donc une révolution. Le secteur des banques veut faire disparaître les taux fixes et veut un apport personnel plus important au moment de faire le prêt. Je commence par la disparition du taux fixe. C'est jouable ? Oui, c'est jouable, mais c'est une très mauvaise chose. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui vont emprunter. Alors aujourd'hui, les taux variables sont très très bas. Hein. Vous avez des taux variables en dessous de 1%. Le jour où les taux vont réaugmenter, bon, quand vous avez des taux variables en dessous de 1%, c'est pas dramatique. Mais dès que les taux court terme vont repartir à la hausse, à du 2-3%, et quand vous avez du plus 2, plus 3, ben, ça risque de faire des catastrophes. Mais est-ce que ce taux variable est si variable que ça? Parce que certains prennent un taux qui est à 10 plus 5 plus 5. Donc la première révision du taux, elle est au bout de 10 ans. C'est pas si variable que ça, c'est pas si volatile que ça, si ? Ça, c'est un taux semi-fixe, donc il y a déjà une certaine sécurité. Le vrai taux variable, c'est le 1 plus 1 plus 1 ? Le 1 plus 1 plus 1, le plus 3 plus 3... Mais la banque ne veut plus courir de risques. C'est sain, ça, derrière la banque, il y a des hommes, il y a des salariés, la banque ne veut plus courir de risques. Le risque doit être sur l'emprunteur, vrai ou pas vrai ? Non. Ça, c'est un faux prétexte. La banque, elle veut simplement gagner plus d'argent. Ah non, elle dit que c'est pour éviter les risques. Elle ne dit pas que c'est pour gagner plus.

un papa qui ne supporte plus la séparation, un papa pour lequel son fils est un dieu, le fils a 11 ans, eh bien, ce papa, samedi, n'a pas ramené son fils à la maison. La maman lance l'alerte, une journée de recherche, et on le redécouvre vers 1h50, dans la nuit de samedi à dimanche, dans un gîte à Flobecq. L'homme a tué son fils, qui était pourtant son dieu, et puis il s'est suicidé en calfeutrant l'ensemble de ce gîte qui avait été loué pour mettre fin à sa vie après avoir tué son fils. Ça va donc jusque-là, Nawal, la souffrance, quand on est séparé, la souffrance d'un père peut aller jusque-là. Non, ça ne peut pas aller jusque-là, je ne suis pas d'accord, je trouve ça extrêmement lâche comme geste, et peu importe la souffrance qu'on ait à supporter, qu'il se suicide, c'est une chose, qu'il emmène son fils avec, non, je suis désolée, je ne cautionne pas, je n'excuse pas, et je ne lui trouve aucun prétexte. Il y avait, Déborah, un lien fort, donc ce jeune homme de 11 ans jouait au football, était apparemment très calé, il allait changer de club, on est là dans la région de René. Pour son papa, c'était un dieu, ce lien très très fort entre un fils et son père. Bah, j'aime pas vraiment le mot qui a été utilisé. Est-ce que ça a été utilisé par la famille ou c'est la presse qui l'écrit? Dieu, c'était son amour, la prunelle de ses yeux, voilà tout ce qu'on peut ressentir pour nos enfants, un amour inconditionnel. Et je pense qu'on est un peu mal placé pour donner un jugement ici, parce que comment est-ce qu'on peut savoir dans cette position-là, comment réagirait? On n'a pas tous les éléments, mais une séparation, vous empêchez de voir votre enfant, parce que c'est ça, c'est une garde partagée. Voilà, moi j'ai un petit garçon de 6 mois, j'imagine que demain on divorce, que je le vivrai extrêmement mal. Je pense évidemment pas que j'en arriverai à ces extrémités-là, mais je pense pas que cet homme, au début de sa vie, s'est dit un jour j'en arriverai à cette extrémité-là. Donc je pense qu'il devait être vraiment, vraiment en souffrance, qu'il a peut-être pas été très bien encadré, qu'il l'a peut-être pas dit. Ça peut être ce lien fort, Nawal, quand on considère son fils comme un dieu, à tort ou à raison, c'est ce lien fort qui pousse ce papa à partir avec le fils à deux, parce que ce lien était fort. Visiblement, c'est ce qui expliquerait son geste. Maintenant, encore une fois, que lui parte, ok, mais je trouve ça égoïste vis-à-vis de l'enfant. Sur la mais démarche. Effectivement, oui, ça pourrait expliquer. Il y a, sur la démarche, il y a des mamans. Il y a une location de gîte, il y a tout un mécanisme qui se met en place. Il y a une préparation. Je loue un gîte, je m'y installe, je vais ensuite calfeutrer. Il y a toute une préparation. Ouais. Exactement. Donc, c'est un acte réfléchi. En tout cas, c'est pas un coup de tête. Hein. C'est pas une force irrésistible, comme on peut l'entendre parfois chez certaines mamans. C'est vrai que c'est plus rare chez des papas. Mais ça devait cacher une grosse dépression absolument pas traitée. Donc, voilà. Il est possible qu'on n'ait pas vu ça au club de foot. Certains disent on savait qu'il avait du mal, mais on ne savait pas que c'était à ce point profond. Écoutez, aujourd'hui, sur cette justement, j'ai écrit un article qui montre une photo d'une maman. Ça a été publié, je crois que c'est aux États-Unis. Voilà, elle met une photo de elle souriante et une photo de elle qui pleure. Et alors, elle dit voilà à quoi ressemble la dépression. En fait, la photo où on sourit, c'est aussi de la dépression, parce qu'on fait en sorte que la vie continue, qu'on montre aux gens qu'on va essayer de s'en sortir. Ça n'empêche qu'au fond, on est effondré. Donc du coup, il a peut-être fait bonne figure, mais il allait très mal. Visiblement, il allait très mal. On demande un avis à Marcinel. Sébastien est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Est-ce qu'un papa peut à ce point se sentir floué, malmené dans une séparation? Vous êtes en plein dedans. Vous, ça fait combien de temps que vous n'avez plus vu votre fils? Ça fait 7 mois et demi. Vous nous expliquez le contexte, pourquoi un père ne voit plus son fils pendant 7 mois et demi? C'est tout simplement parce que les lois protègent les mamans, en règle générale, et qu'à partir du moment où l'enfant habite chez la mère, et que le père n'habite plus la maison, il n'a strictement plus le droit de voir son enfant. Vous pouvez nous dire quel est le lien que vous avez à votre fils? Quelle est l'ampleur de ce lien? On l'imagine Il a 2 ans et demi maintenant, donc... Et ça fait 7 mois et demi maintenant que je ne le vois pas. Je suis acculé par les démarches administratives et judiciaires parce qu'il y a eu une procédure de réquisition pour une pension alimentaire qui a été faite dans mon dos. Sébastien, alors maintenant qu'on a votre contexte personnel, est-ce que vous pouvez comprendre que la séparation avec un enfant pousse les choses tellement loin qu'un père va tuer son fils et puis se suicider dans un gîte qui a été loué à Flobecq? Non, ça par contre, je ne ferai jamais de tort à mon fils. Par contre, je peux comprendre que le papa se suicide, ça c'est certain. C'est parce qu'au bout d'un moment, enfin moi par exemple, on m'a tout pris. Donc là, je suis à 2 doigts de finir à la rue, parce que la maman veut se venger de la séparation. Mais donc ça peut pousser jusque-là, vous comprenez qu'un homme soit acculé à ce point-là? Mais on nous montre du doigt, quand on fait les démarches, quand on va voir un avocat, Quand on va voir une assistante sociale, quand on va voir tous les intervenants qui sont liés à ce sujet, on nous montre, nous, systématiquement du doigt. C'est une phrase importante, Sébastien, cette phrase, on nous montre du doigt. Si la conversation s'impose, on l'utilisera pour être commenté tout à l'heure. Je voudrais d'ailleurs terminer là-dessus, sur base de cette phrase autour de la table. Est-ce que ça veut dire que le papa qui s'est tué à Flobecq et qui a tué son fils, on ne l'a pas protégé, Nawal ? On ne protège pas assez les pères dans les séparations ? Mais je ne sais pas si dans ce cas-ci, c'est réellement ça, parce que j'ai l'impression qu'il continue à avoir son fils. À mon avis, c'est plutôt la souffrance d'avoir perdu la maman, si je comprends bien, parce qu'il n'a pas perdu la garde de son fils. Et c'est là où je trouve le geste d'autant plus regrettable. La société ne protège pas assez les pères, ne fût-ce que symboliquement, quand il y a séparation, Déborah. Mais bien sûr, moi je pense que, en fait, finalement, tout ça, on parle toujours de justice dans les séparations. Je pense que les couples qui se séparent doivent se souvenir qu'à un moment, ils se sont aimés assez pour faire un enfant à deux. Et donc, on peut détester l'autre pour des histoires de tromperie, pour des histoires d'argent. Ça n'empêche que l'autre reste un bon parent, dans la majorité des cas, évidemment, pour son enfant. Qu'un papa aime autant son enfant qu'une maman et qu'il faut leur laisser une chance aussi de pouvoir voir leur enfant. Moi, je suis pour les gardes partagées, mais vraiment partagées 50-50. C'est pas parce qu'on a une mère qu'on a plus le droit de voir son enfant qu'un père. Donc oui, ils sont pas assez protégés. Déborah Laurent, Nawal Ben Salem. Bonne journée, mesdames. Bonne journée. Merci. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. D'abord cet accident de train qui a fait 3 morts et 9 blessés à Saint-Georges-sur-Meuse. Train, accident, SNCB, tout ça entre deux grèves, ça vous inspire quoi? Ensuite une révolution, le secteur des banques veut faire disparaître le taux fixe et veut un apport personnel plus important au moment de faire le prêt. Est-ce que c'est jouable? Et puis un papa qui loue un gîte à Flobecq pour se suicider avec son fils de 11 ans, il ne supportait pas la rupture. Est-ce qu'un père peut se sentir à ce point malmené dans une séparation? 070-233-466, SMS 3063. Et Quem en ligne. Michel, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Cet accident de train a fait 3 morts et 9 blessés dans le contexte de grève que l'on connaît. Et il y a à nouveau un préavis pour dimanche prochain. Ça vous inspire quoi? Déjà, d'abord, au départ, c'est la tristesse vis-à-vis des victimes, bien entendu. Mais ce qui m'inspire aussi, c'est que pour moi, la moindre des chances, ce serait de suspendre cette grève. Mais si l'accident n'a rien à voir avec les raisons de la grève? Il n'empêche, une question de décence et de respect. Je n'ai pas dit qu'il fallait de plus faire grève, mais c'est de la suspendre, simplement par respect, je pense, en tout cas. Alors, pour la prochaine, vous me dites suspension. Pour celle qui vient de se terminer, qui a duré 9 jours, vous revisitez l'histoire parce qu'il y a eu accident, vous dites que cette grève était déplacée? Disons que, compte tenu de l'enjeu, en tout cas, de revendication, au niveau simplement des jours de récupération, ça paraît très minime par rapport à... par rapport à ce qu'ils disent, notamment au niveau de la sécurité. Qu'ils fassent grève parce que la sécurité est en danger, je peux le comprendre, mais c'est uniquement aussi pour des petites choses. Hein. Et bon. N'oublions pas... Même question que tout à l'heure, Michel, quand vous vous êtes levé ce matin, que vous avez appris l'accident de train, vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit que c'est catastrophique, évidemment. Je suis assez atterré de cela. Bien entendu, les accidents sont rarissimes au niveau du chemin de fer. Vous prenez le train de temps en temps? Oui, bien sûr, tous les jours. Alors c'est toute la question évidemment aux observateurs des conflits sociaux, mais aussi la question aux nafteurs dont vous êtes. Michel, vous demandez une suspension de la prochaine grève au 070-233-466. Allons sur les routes maintenant, Stéphane. Et ça se passe plutôt bien sur la route Benjamin. Une seule manifestation en province de Liège, à Bierzé. Prenez de l'avance si vous devez prendre un avion, car le rond-point qui mène à l'aéroport est toujours bloqué par des agents pénitentiaires visiblement. C'est la seule manifestation encore en cours actuellement. Un accident sur le 40 qui relie Liège à Bruxelles à hauteur de Berthem. C'est la deuxième bande qui est entravée. Il y a des files en direction de Bruxelles, mais vous n'allez pas perdre plus de 10 minutes. À l'image de tous les axes qui convergent vers la capitale, moins de 10 minutes supplémentaires ajoutées ce matin. De très légers ralentissements sur le ring entre Grand Bigard et Jette vers Zaventem, ça c'est pour la circulation intérieure, moins de 10 minutes, moins de 5 minutes pour la circulation extérieure entre Groenendaal et Léonard vers Zaventem. Et puis à Bruxelles, on nous signale des feux de signalisation en panne au carrefour qui relie le boulevard du Souverain à l'avenue Herman de Brou. Et à l'instant même, un accident nous a été signalé sur la Nationale 4 Namur-Bruxelles, hauteur de Hernage. Le passage est difficile dans les deux directions. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous irons à Charleroi. Nathalie, une femme, nous dira si un papa peut être à ce point bouleversé qu'il tue son fils de 11 ans et qu'il se tue lui-même. Maintenant, chez Dovi Awan, lave-vaisselle gratuite et 50% de réduction sur la taque à induction. Plus d'infos sur dovi.be. Nous créons votre cuisine. Au cœur de Liège, la joaillerie Lizin. Vaste choix de bijoux en diamants, pierres précieuses et perles de culture. Conseils personnalisés, créations sur mesure. Joaillerie Lizin, rue Charles Magnette à Liège. Ambassadrice de la marque Chopard. Aussi sur Facebook et localizy.com. Le commerce autrement, localizy.com. Localizy.com. Et si vous aviez un webshop, comme celui que Catherine Duboudoir de Jeanne à Liège est en train de tester gratuitement pour l'instant? Oui, le Boudoir de Jeanne est une parfumerie différente située en Outremeuse à Liège. Parfums, maquillage, produits de soins pour femmes et pour hommes, elle connaît déjà un grand succès. Mais si vous n'avez pas la chance de venir nous voir dans notre belle cité ardente, vous trouverez désormais aussi le Boudoir de Jeanne sur Internet. Intéressé? Surfez vite sur cbcpopupwebshop.be. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Qui va gagner? Ce sera une bataille endiablée ou un coup de poker. Avec un carré de roi, toutes les dames seront là. Et la foule aussi. Précipitez-vous. Cette semaine, un jeu de 52 cartes gratuit avec la DH, avec des noirs, des rouges et bien sûr, un peu de jaune. Cette semaine, un jeu de 52 cartes signé Pader, gratuit avec la DH. Et au 0,70-233-466 sur la table, Zoé. Une révolution, le secteur des banques veut faire disparaître les taux fixes et veut un apport personnel plus important au moment de faire le prêt. Est-ce que c'est jouable? Et selon Alain de Senef, ce n'est pas jouable. La suppression d'un taux fixe pour le prêt immobilier, c'est creuser un peu plus le fossé social qu'il existe entre les pauvres et les riches, les jeunes couples, les jeunes familles, les personnes qui ont tout simplement très peu de moyens et qui ont envie d'accéder à un bien immobilier ne pourront plus se permettre d'acheter tout simplement parce que le taux variable est trop irrégulier et peut réserver de très mauvaises surprises. Pour lui, ça va diminuer, c'est sûr, l'achat de certaines maisons, ça va faire couler le secteur immobilier et ça aura un impact très important sur toutes les petites familles belges. C'est vous qui le dites à Charleroi. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et vous souhaitez aller plus loin sur ce papa qui loue un gîte à Flobecq pour se suicider, qui tue son fils de 11 ans. Vous qui êtes séparés, vous comprenez qu'un papa aille si loin dans la détresse et qu'il soit à ce point malmené? Non, du tout. Je sais que dans un divorce, on essaye toujours d'atteindre l'autre. Moi, je pense qu'on ne fait pas ce geste par amour, mais par vengeance. Mais il y avait un lien. Je voudrais votre avis sur ce lien. Quand on a un fils qu'on considère comme un dieu, ce fils en plus est un talent du football, et sur le point de changer de club, il prend une forme d'envol. Est-ce que ce lien très très fort peut expliquer quelque chose? Non. Je pense que son unique but était d'atteindre sa femme. Moi, pour moi, c'est de la vengeance. Il a pris son fils en otage, mais là, il l'a pris en otage pour toujours. Mais c'est une façon d'atteindre sa femme. Que ça soit l'homme ou la femme dans un divorce, généralement, l'un ou l'autre essaye toujours de prendre en otage si, les enfants. Si c'est de ça, façon à mieux atteindre. Je mets un « si c'est ça », est-ce qu'on peut le déclarer coupable? Est-ce qu'on peut utiliser la culpabilité ou c'est un homme dépressif qui a tellement été malmené par la séparation qu'il a perdu des repères? Non. Oui, dans une dépression, on perd des repères. Mais je pense que... Alors, il se suicide tout seul, s'il est tellement dépité. Il se suicide tout seul. Mais s'il aime tant son enfant, il ne l'entraîne. Il n'a qu'un an. Il avait toute sa vie. Justement, vous le dites, c'était une vedette du football. Donc, il aurait pu peut-être faire carrière, devenir professionnel. Mais et à nouveau, je mets des si parce qu'il nous manque une partie de l'histoire, évidemment. Mais quand on voit que le fils, pour le papa, est un dieu, est-ce qu'on doit priver un père de contacts plus réguliers? Est-ce qu'on doit le priver de visites? Est-ce qu'on doit le priver de contacts de week-end? Quand on voit que le fils est un dieu pour son père? Oui, maintenant, c'est vrai qu'on ne sait pas tout. Et comme vous dites, si, pourquoi l'en priver? Qu'a-t-il fait? Pourquoi? On ne le sait pas. Bien sûr, nous, on est témoins, on ne voit qu'au premier abord ce qui s'est passé. Donc, on ne peut juger que cette situation. Mais dans la réflexion, dans la réflexion, vous me dites que c'est pour atteindre l'autre. Voilà comment ça se passe dans une séparation, homme ou femme. On parle donc bien d'un papa ici qui a décidé de tuer son fils et puis qui a mis fin à ses propres jours. Le fils a fait 11 ans, le papa 59. Merci pour l'analyse, Nathalie. Allons à Braine-l'Alleud maintenant. Agnès, bonjour. Bonjour. Agnès, vous êtes propriétaire depuis 10 ans et vous souhaitez aller plus loin sur cette révolution. Le secteur des banques veut faire disparaître le taux fixe. Est-ce que c'est jouable ? Pour moi, ce n'est pas jouable, ni pour le taux fixe, ni pour l'apport supplémentaire. Pour le taux fixe, parce que voilà, les banques, à l'heure actuelle, elles proposent toujours des taux fixes qui sont plus chers en taux d'intérêt que des taux variables. Donc, depuis des années et des années, les intérêts supplémentaires qui sont payés pour les taux fixes, ça leur rapportait. Alors maintenant que ça ne leur rapporte plus, il faudrait qu'ils changent le système. Non. Mais si vous étiez dans le secteur bancaire, il y a quelque chose de très raisonnable là-dedans. Moi, banque, je dois assumer depuis des années des risques. Moi, banque, je dois garantir un taux fixe alors que le marché, il se comporte plus du tout comme ça. Et donc, je suis en train de faire un cadeau, moi, au client. C'est au taux client d'assumer le risque. Point final. Non, non, c'est pas au client. C'est le client qui emprunte, c'est pas moi. C'est pas au client à assumer tous les risques. Les risques, ils sont calculés par les ces banques, par ces économistes. Alors l'apport et personnel. Donc, depuis des années et des années, ils font du bénéfice là-dessus. Alors maintenant, parce que ça devient moins intéressant pour eux, on devrait leur laisser se graisser la patte de façon supplémentaire en éliminant les taux fixes. Mais ça vous choque ou c'est un petit récit économique anecdotique ? Non, ça me choque profondément. Alors dites oui à l'apport personnel. Si on doit au moins en accepter un des deux, est-ce que vous acceptez l'idée qu'on vienne avec un apport personnel plus important ? Non. Non, la vie est déjà assez difficile et assez dure comme ça pour les jeunes à l'heure actuelle. Et ne pas leur permettre d'avoir un toit pour leurs vieux jours, eh bien, je trouve ça honteux. Est-ce que c'est scandaleux de dire à un candidat emprunteur, venez avec 10% de la somme, 20% de la somme, 30% de la somme ? Ben oui, puisque déjà, ils doivent payer tout ce qui est actes notariaux, et ça coûte déjà très cher. Les prix des maisons augmentent de façon... Et 10%, vous dites oui ou non à 10% de la somme ? Non. Ah, vous dites même à 10%, vous dites non. Alors, je ne vous fais pas en dessous. 5%, aucune banque ne demande ça. Agnès, vous êtes à Braine-l'Alleud et choquée donc par cette réforme voulue par le comité de Bâle, qui sont donc les régulateurs mondiaux de la finance. Et dans ce comité, on trouve notamment la Banque nationale de Belgique. On va marquer une très courte pause. Et dans un instant, à Liège, Charles viendra nous dire ce que lui inspire cet accident de train qui a fait 3 morts et 9 blessés. C'était hier soir à Saint-Georges-sur-Meuse. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Cette semaine, le tip-top de Vivacité met Boulevard des Airs à l'honneur. Tu rentres à Bruxelles. Pour fêter la réédition de leur album Bruxelles, nous vous invitons à Paris le 16 juin pour leur concert-événement à l'Olympia. Tout est compris, le voyage aller-retour, l'hôtel et vos tickets pour ce concert ultra complet. Cette semaine, Boulevard des Airs est dans le tip-top dès 19h. Et au 070 233 466 sur la table, Zoé, un papa loue un gîte à Flobecq pour se suicider avec son fils de 11 ans où il ne supportait pas la rupture. Un père peut-il à ce point se sentir floué et malmené dans une séparation à ce propos ? À ce propos, j'ai Françoise de Sprémont. Selon elle, elle comprend le geste de ce papa. Pour elle, tout ceci est de la faute des réseaux sociaux sur lesquels on voit toujours des familles parfaites. On voit toujours sur ces réseaux sociaux des gens qui prennent des selfies avec leurs enfants pour montrer à quel point ils sont heureux. Et quand on vit un coup dur maintenant dans notre société et que par exemple on est en plein divorce et que notre vie est en train de s'écrouler, on se sent démuni, on se sent tout simplement mis à part de cette société. Alors c'est de plus en plus difficile d'assumer les conséquences d'un divorce face à tout ce bonheur que l'on nous vend sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que Françoise comprend ce geste même si elle ne l'excuse pas. Liège en ligne maintenant. Charles, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. C'est donc l'info de la nuit, un accident de train qui fait 3 morts, 9 blessés à Herbal-Souilly. Ce train de passagers qui a son bord une quarantaine de personnes, dont beaucoup d'étudiants qui rentraient aux côtes, a percuté un train de marchandises qui était sur la même ligne. On ne connaît pas encore les circonstances de l'accident. Dans tout le contexte, après 9 jours de grève, ça vous inspire quoi cet accident ? Ça m'inspire beaucoup de tristesse parce que donc, je suis cheminot et J'ai perdu un collègue conducteur. A priori, vous le connaissiez ou c'est juste un collègue de travail sans le connaître? Non, je le connaissais. Je veux dire, forcément, je ne le connaissais pas intimement. Nous sommes quand même plusieurs milliers à travailler dans le secteur en Belgique, mais on se connaissait. Et j'en profite pour adresser mes condoléances aux familles des victimes. Charles, je voudrais votre avis, même si on attend des éléments pour comprendre ce qui s'est passé. Mais comment un train de voyageurs peut se retrouver sur la même ligne qu'un train de marchandises, aller à toute vitesse, ne pas freiner et percuter avec un choc que tout le monde dit incroyable? Vous pensez à quoi quand vous entendez ça? Vous vous dites c'est quoi? Je n'ai pas d'explication. J'attends comme tout le monde les résultats de l'enquête. C'est effectivement incompréhensible. Normalement, du point de vue de la sécurité, tout est mis en œuvre, normalement, d'un point de vue technique et d'un point de vue humain, pour que ça n'arrive pas. Donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Quel est votre poste à la SNCB ? Accompagnateur de train. Est-ce qu'on peut encore maintenant vous parler d'augmenter la productivité dans les 5 prochaines années ? Donc c'est l'enjeu du gouvernement, augmenter la productivité avant la libéralisation du secteur. On peut encore vous parler de ça ou ça vous choque ? Ça me choque et je ne suis pas d'accord du tout avec vos deux intervenants de tout à l'heure. Elles parlaient de décence quant à la grève qui allait... Quant au préavis de grève de la semaine prochaine... Il faut l'oublier. Il faut l'oublier, a demandé Michel Acquem notamment. Oui, mais elle parlait de décence. Moi, je trouve que c'est elles qui sont indécentes quand elles parlent de ça. Le pays va dans le mur. On nous demande plus de productivité, avec moins de moyens, avec moins d'êtres humains sur le terrain. Et voilà, voilà. Voilà ce qui se passe sur le terrain. On demande à des conducteurs de prester des horaires pas possibles. Les accompagnateurs de train dont je fais partie, donc c'est lié. Pareil, des horaires pas possibles. Pardon ? L'accident d'hier, alors c'est lié à la productivité, si vous me dites que c'est lié. Moi, je vais même pousser le bouchon plus loin. Si c'est le conducteur qui est en cause, et je ne veux pas, je ne dis pas qu'il est en cause, mais si il s'avère après l'enquête qu'il est en cause, alors oui, c'est qu'il était trop fatigué. Si c'est un problème technique, alors c'est lié aussi à tout ce qui se passe sur le rail pour le moment, parce qu'on demande plus de sécurité avec moins d'infrastructures, avec moins de moyens, avec moins d'investissements. Ah ben c'est pour ça que la question est aussi vague que ça ce matin. Ça vous inspire quoi ? Ça vous inspire quoi dans un contexte qui est celui des trains, des accidents, de la SNCB, des réformes, de la productivité ? Charles, vos 6 sont importants. Vos 6 sont les mêmes que les nôtres, car on n'a pas encore le fin mot dans ce dossier. Allons maintenant à Charleroi. Frédéric, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous voulez commenter la révolution. Le secteur des banques veut faire disparaître les taux fixes et veut un apport personnel plus important au moment de faire le prêt. Est-ce que vous êtes d'accord pour que le taux fixe s'en aille ? Non, bien sûr que non. Ça serait trop dangereux. Oui, mais il reste du semi-fixe. Vous pouvez prendre un taux 10 plus 5, donc les 10 premières années sont garanties, puis il y a une modif et encore pendant 5 ans, vous avez la garantie. C'est bien ça ? Ben non, c'est pas bien parce qu'ils nous prennent un petit peu tous en otage et pour des cons. Il y a quelques années, on a eu un gros déficit mondial, le système bancaire qui a coulé, on a encore dû mettre la main au portefeuille, l'État qui a aidé. Ils jouent avec vos économies, Benjamin, avec les miennes, avec ceux des gens. Ils jouent en bourse, ils placent notre argent. Vous avez un crédit hypothécaire ? Bien sûr. Taux fixe ou taux variable ? Oui, j'ai un crédit. Je l'avais fait. Il était fixe et révisable une fois après 12 ans. Ah bah donc vous n'aviez pas pris un fixe non plus ? Vous n'aviez pas pris un fixe total ? Ah ben non, c'est comme quand on va chez le boucher ou dans un magasin. On regarde la promo qu'il y a et le meilleur choix pour ma situation. Mais ici, il n'y a plus de choix. Et vous étiez venu avec quel apport personnel à l'époque ? Rien du tout. Eh ben aujourd'hui, on vous dit, ce serait bien de venir avec un apport personnel, parce que maintenant, les risques, il faut un peu les répartir. Il n'y a pas de raison que la banque soit la seule à prendre des risques. Je suis d'accord avec ça, mais vous, Benjamin, et moi, comme tout le peuple belge, on fait déjà un apport depuis 60 ans. On leur donne, on leur permet de jouer avec notre argent. Ils placent notre argent en bourse. Ils jouent avec l'immobilier. Ils bâtissent, ils font leur magouille. Mais là, vous faites pas un don. Vous faites pas un don. On vous donne de l'argent en échange pour acheter une maison. Mais nous, on leur donne notre argent à longueur d'année. Ils se servent sur notre argent, ils jouent en bourse et ils bâtissent des bâtiments et ils magouillent. C'est déjà pas un apport, ça ? Donc vous dites non aux deux. Alors, s'il faut faire un choix entre les deux, je ne vous pose pas la question. C'est non au taux fixe qui disparaît et non à l'apport plus important. Allons à Serein. Sybille, bonjour. Bonjour, Benjamin. Vous souhaitez commenter ce papa qui a loué un gîte à Flaubec pour se suicider avec son fils de 11 ans. Un père peut-il à ce point se sentir malmené? Votre avis de femme, Sybille? Non, non, non. J'ai une fille et son papa et moi avons divorcé au bout de 10 ans. Nous étions séparés. Et je ne comprends pas, en fait, ce personnage. Il a squatté la vie de son fils. Ensuite, Quel squattage ? On a juste dit que son fils était son dieu, une star du football qu'il allait voir chaque week-end entre pleines prestations. Un papa fier de son fils, c'est grave ? Mais oui, écoutez, moi, ma fille, c'est mon dieu. D'ailleurs, son surnom, c'est mon Jésus. Depuis qu'elle est née, elle a 26 ans. Elle est étudiante en psychosocial, elle est à l'UNIF. Elle termine sa dernière année. Est-ce qu'on peut dire qu'un lien fort alors amène à des morts en duo? C'est ça qui explique, c'est le lien fort? Non, non, non, non, non. Il ne me serait jamais venu à l'idée, ni même à son papa, de supprimer la vie de notre fille. Ah bien sûr, la particularité ici, c'est qu'il y a un épisode dépressif lourd. C'est pour ça que je vous le demande. En cas de dépression, est-ce qu'un lien fort peut amener à un départ fort la vie donc d'une femme divorcée que vous êtes, Sybille? On verra quelle est la conversation qui s'impose dans la deuxième partie. Il découvre RTBF Ovio. J'adore aller au cinéma, donc je vais regarder dans la barre de recherche cinéma ce qu'ils proposent. Voilà Burkland. Deux épisodes à découvrir, purée. C'est fantastique. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. AUVIO. RTBF Ovio, libérez vos envies. Sur Viva, il est 10h. On s'informe, Yasmina Favaro, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. 3 morts et 9 blessés, le tragique bilan d'une collision entre un train de voyageurs et un train de marchandises hier soir à Saint-Georges-sur-Meuse, en province de Liège. Le train de voyageurs a rattrapé le train de marchandises à l'arrêt. Il l'a percuté à 90 km/h. Un choc violent, 2 wagons ont déraillé. Le parquet est toujours sur place. Impossible pour l'heure de déterminer les causes de cet accident. Dans les prochaines heures, une fois que les enquêteurs auront terminé d'inspecter les lieux, le feu vert sera donné à Infrabel, le gestionnaire du réseau, pour pouvoir évacuer ces 2 trains. Mais il faudra bien sûr plusieurs jours pour que le trafic à cet endroit reprenne. D'ailleurs, des navettes de bus remplacent les trains entre Huy et Flémalle. Toujours des perturbations dans le trafic des bus tech ce matin, dans le Hainaut en tout cas, paralysie quasi totale à Charleroi, 1 bus sur 5 à Mons, 1 sur 3 à Tournai, un trafic qui devrait s'améliorer dès cet après-midi à Tournai puisque la CGSP a décidé de reprendre le travail. À Mons, les chauffeurs sont en train de se prononcer et à Charleroi par contre, l'Assemblée Générale est pour demain. On vous rappelle que les chauffeurs de bus protestent contre les réformes du gouvernement fédéral. Autre grogne sociale aujourd'hui, celle des camionneurs. Ils ont mené des actions contre la taxe kilométrique ce matin dans le Hainaut. À Guilanguien et à Leuze en Hainaut, des camions empêchaient certains accès. Des barrages levés à présent et qui ont eu peu d'incidence sur le trafic. Et enfin, un autre blocage à vous signaler. Là, c'est à Bierzé en province de Liège. Mais là, ce ne sont pas des transporteurs, ce sont des gardiens de prison qui bloquent l'accès à l'aéroport. Rien boire ni manger entre le lever et le coucher du soleil, c'est le premier jour du Ramadan pour les musulmans. Une période de jeûne qui va durer 1 mois. Cette tradition est l'un des rites les plus importants pour les musulmans. Il est presque dans le top 10. David Goffin est 11e meilleur joueur de tennis dans le nouveau classement ATP, 2 places de mieux. Le Belge n'a jamais été classé aussi haut et c'est grâce à son parcours la semaine dernière à Roland-Garros. David Goffin avait atteint les quarts de finale pour la première fois avant de s'incliner contre l'Autrichien Dominic Thiem. La météo à présent, eh bien, le brouillard se dissipe peu à peu et le soleil, eh bien, il va revenir rapidement, mais il y a toujours des risques d'orages dans l'après-midi, en tout cas pour l'est du pays. Quant aux températures, eh bien, elles seront comprises entre 20 et 28 degrés. Et tout de suite, on va partir sur les routes pour faire le point sur vos conditions de circulation avec Stéphane Piedboeuf. Et toujours des manifestants à Bierzé dans le rond-point qui mène à l'aéroport. Prenez de l'avance si vous devez prendre un avion. Ce matin, un accident sur la Nationale 4 Namur-Bruxelles à hauteur de Hernage. Le passage est difficile dans les deux directions. Bonne nouvelle pour ceux qui rejoignent Bruxelles actuellement. Sachez que la circulation est fluide sur pratiquement tous les axes. De très légers ralentissements à l'approche de l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne sur le 40 qui vient de Liège. Mais vous n'allez pas perdre plus de 10 minutes. Sur le ring, ça se passe très bien aussi. 5 minutes de perdu entre Grand Bigard et Jette en direction de Zaventem en circulation intérieure. Soyez toutefois prudent à ces déchets de pneus sur le ring en circulation intérieure à hauteur de Wautier-Brenne. La bande de droite est encombrée en direction de Hall. À Bruxelles, les feux de signalisation sont toujours en panne au carrefour qui relie le boulevard du Souverain à l'avenue Herman de Brou. Et puis sur le réseau secondaire, un objet encombrant nous a été signalé sur la nationale 97 à Vlange-Philippeville à hauteur d'Anserem. La bande de gauche est encombrée en direction de Philippeville. Il s'agit de barres métalliques. Faites-le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 10h04, c'est reparti pour le débat dans C'est vous qui le dites, toujours avec Benjamin Maréchal. Merci Yasmina Favaro. La rédac revient à 11h. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et à 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Parce que c'est toujours la grève en prison, Koen Gaens a accordé des congés de longue durée à 202 détenus. Et la question qui dérange, c'est la suivante. Est-ce que ça veut dire que la sanction, la condamnation de ces détenus n'a plus d'importance? Est-ce qu'ils sont pardonnés, en fait? 43e jour de grève dans les prisons pour soulager les détenus, le travail des non-grévistes et le climat général. Koen Gaens a donc accordé des congés pour vider les prisons. Oui, mais quid du signal que la société donne? La prison, c'est un signal et c'est aussi une sanction. Est-ce que ça veut dire qu'on n'en tient plus compte? Vous cherchez dans ce dossier Sophie Buzinaro, le bon interlocuteur. À ce stade, avez-vous une piste? Alors, je vais tenter de contacter Koen Gaens en personne, le ministre de la Justice, afin qu'il nous explique la raison de cette décision et surtout les critères que les détenus doivent respecter pour se voir octroyer ce congé pénitentiaire, Benjamin. 202 libérés en congé et 13 autres qui attendent le congé. Vous souhaitez donner votre avis dans cette conversation ou influencer l'interview tout à l'heure? Laissez votre commentaire à Zoé au standard. Ce commentaire, c'est Cécile de Bastogne qui nous le laisse pour elle. C'est effectivement relâcher les détenus parce que tout simplement, il ne sait pas gérer une crise et répondre à la demande des gardiens qui font grève. Bon, parce que c'est toujours la grève en prison, Koen Gaens a accordé des congés de longue durée à 202 détenus. Est-ce que ça veut dire que leurs sanctions, leurs condamnations n'ont plus d'importance? Ils sont pardonnés en fait? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. Un accident de train qui fait 3 morts et 9 blessés à Hermal-Souy. Train, accident, SNCB, tout ça entre deux grèves. Ça vous inspire quoi? Ensuite, une révolution. Le secteur des banques veut faire disparaître les taux fixes et veut un apport personnel plus important au moment de faire le prêt. Est-ce que c'est jouable? Et puis un papa qui loue un gîte à Flobecq pour se suicider avec son fils de 11 ans. Il ne supportait pas la rupture. Un père peut-il à ce point se sentir floué et malmené dans une séparation? 3 débats Zoé au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur cette révolution bancaire. Le secteur des banques veut faire disparaître les taux fixes et veut un apport personnel plus important au moment de faire le prêt. Est-ce que c'est jouable? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Ah, ça a l'air de tracasser parce que vous êtes très nombreux à avoir voulu cette conversation. Vous qui avez peut-être acheté votre maison avec un taux fixe, qui est le taux préféré des Belges, eh bien les choses pourraient changer. Le comité de Bâle, qui est donc un groupe de régulateurs mondiaux de la finance, on trouve dans ce groupe des représentants de la Banque Nationale de Belgique, eh bien ce comité de Bâle veut faire disparaître le taux fixe. C'est aux clients d'assumer les risques des hausses et de baisses des taux pour que le risque de l'emprunt ne pèse plus uniquement sur les banques, mais qu'il repose désormais sur les épaules de l'emprunteur. Demain, donc, le taux variable deviendrait la norme. Et ce n'est pas tout, puisque le comité propose également que l'apport personnel de l'emprunteur soit augmenté. Là où certaines banques demandent déjà 10 à 20% d'apport personnel, on pourrait peut-être même encore aller au-delà. Les choses devraient bouger d'ici à la fin de l'été. Et le risque, on l'a compris, c'est que ça complique encore un peu plus l'accès à la propriété. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Pour moi, c'est pas jouable, ni pour le taux fixe, ni pour l'apport supplémentaire. Pour le taux fixe, parce que les banques à l'heure actuelle, elles proposent toujours des taux fixes qui sont plus chers en taux d'intérêt que des taux variables. Donc, depuis des années et des années, les intérêts supplémentaires qui sont payés pour les taux fixes, ça leur rapportait. Alors maintenant que ça ne leur rapporte plus, il faudrait qu'ils changent le système, non ? Alors, à vous de vous prononcer. La question est la suivante. Une révolution. Le secteur des banques veut faire disparaître les taux fixes et 20 apports personnels plus importants au moment de faire le prêt. Est-ce que c'est jouable? Vous avez à l'époque pris un crédit. Vous envisagez un crédit hypothécaire. Vous avez un apport personnel ou pas. Vous souhaitez commenter la philosophie générale. Il n'y a pas de raison qu'une banque garantisse un taux qui correspond plus du tout à la réalité du marché. Bref, 070-233-466 par SMS au 3063. Et dans un instant, c'est un propre propriétaire de Moucron, Jean-Marie, qui nous dira si tout ça va compliquer l'accès à la propriété des Belges demain. C'est vous qui le dites. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Va, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Bientôt la fête des pères. Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau? Ça tombe bien, Vivacité vous offre des Samsung Galaxy S7 Edge. Pour avoir la chance d'en remporter un, écoutez Cyril dans le 5 à 7 du lundi au vendredi dès 17h. Bonne chance et surtout, bonne fête à tous les papas. Oh, regarde, 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf. C'est chez Thomas et Piron et nulle part ailleurs. Dans l'éco-quartier du Sartilement, 30 jours de conditions maxi sur une sélection d'appartements neufs Thomas et Piron. Porte ouverte ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre bureau d'accueil situé rue du Sartilement, près du 357 à Liège-Angleur. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à condition. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. À la petite révolution bancaire qui s'annonce, on aura le fin mot à la fin de l'été, mais voilà ce qui est donc dans les tuyaux. Quels sont les plans donc des banques? Eh bien les plans, c'est de faire disparaître les taux fixes parce que les banques ne veulent plus supporter seules le risque. Si un emprunteur veut un taux fixe, eh bien c'est lui qui doit se débrouiller parce que les banques jusqu'ici ont garanti des taux qui correspondaient plus au marché. Donc supprimons les taux fixes, allons-y avec du variable. Ce sera à l'emprunteur de supporter les fluctuations du marché. Et puis dans un deuxième temps, un apport personnel plus important. Vous nous direz d'ailleurs, si vous avez pris un prêt hypothécaire ces dernières années, quel apport personnel vous avez dû injecter sous peine de ne pas avoir le prêt. 070-233-466 par SMS au 3063. Moucron en ligne. Jean-Marie, bonjour. Bonjour, Bazam. Avant de se prononcer sur la réforme, vous qui avez un crédit hypothécaire et qui êtes propriétaire, à l'époque, vous avez pris un taux fixe ou un variable ? La communication téléphone nous a privé du son, Jean-Marie. Ah. Fixe ou variable ? Un taux fixe. Fixe. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Il paraît que c'est le préféré des Belges. Oui, parce que je ne pouvais pas me permettre à l'époque, ni maintenant d'ailleurs, de prendre un taux variable dans la mesure où, si le taux variable va beaucoup trop haut, les salaires ne sont pas en conséquence, donc je n'aurais plus su payer les mensualités. On discute d'argent deux secondes. Vous vous souvenez de la fluctuation avec le taux variable? Vous auriez dû mettre beaucoup plus cher? Le taux variable, la mensualité était moins élevée. Hein. Bien sûr, mais avec la révision, vous pouviez faire un bond de combien? De 100 euros, de 200 euros, de 50 euros, de 30 euros? Oh, à l'époque, ça, je ne me souviens plus tellement. Bref, oublions les chiffres. Jean-Marie, alors on avance. Eh bien, les banques disent, le taux fixe, moi, je le supprime. C'est jouable ? Non, parce qu'on est au plus bas au niveau des intérêts actuellement. Ça va forcément augmenter. Et ça augmentera probablement assez fort. Eh bien, ça va augmenter. Donc, les banques, elles sont dans l'embarras. Elles vont devoir garantir des taux qui correspondront plus à la réalité du marché. Est-ce que vous comprenez la philosophie ? C'est au client d'assumer les risques. Oui, mais pourquoi le client ? Ah ben, qui d'autre ? Ben, la banque. Ah ben, elle veut plus. Donc, on a un problème, là. Ah ben, c'est pour ça que je vous en parle. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce ne sera pas la solution, parce que, comme j'ai mis dans mon SMS... mettre un dépôt ou bien avancer de l'argent à raison de 20%, par exemple, ce ne sera pas possible, donc c'est un faux choix. Bon, je vous confirme qu'il y a un problème et que c'est pour ça qu'on en parle. 070-233-466 par SMS au 3063. Je vous dispense de la suite de la conversation sur l'apport personnel. Donc, dans les tuyaux, que dit ce comité de Bâle qui regroupe donc des régulateurs mondiaux de la finance ? D'abord, le taux fixe, on le supprime. Et puis, deuxième élément, on demande à ceux et celles qui veulent un crédit hypothécaire de venir avec une somme plus importante, un petit apport personnel. Vous pouvez d'ailleurs, dans la conversation, nous signaler si vous voulez un apport personnel de 10%, 20%, 30%, qu'est-ce qui est de l'ordre du raisonnable. Et s'il faut choisir entre ces deux réformes-là, laquelle vous prenez ? Pour tout vous dire, 10h14, on a un souci de ligne téléphonique. Alors connectons-nous au 070-233-466, Zoé, le temps de réparer nos problèmes de ligne avec un commentaire sur le taux fixe ou sur l'apport personnel ? Oui, effectivement, Benjamin, vous l'avez dit, quelques problèmes au standard. Difficile de savoir qui appelle, qui n'appelle pas et de savoir mettre en ligne les gens. Et donc, nous avons quand même pu avoir quelques témoignages, notamment celui de Martine de Fauvillers qui nous explique qu'avec un taux variable, elle ne saurait tout simplement pas acheter une maison. Aujourd'hui, elle a une propriété à Fauvillers, c'est une propriété avec trois chambres. À l'époque, quand elle a fait un prêt pour acheter cette maison, elle était tout simplement sans sous. Elle avait juste son salaire pour pouvoir rembourser son prêt fixe. Si elle devait recommencer avec un taux variable aujourd'hui, ça serait impossible. Et il y a eu aussi Sophie de Kevy est une jeune femme de 35 ans, elle est maman et elle pensait justement acheter pour pouvoir assurer assurer une maison à ses enfants quand ils vont grandir, pour qu'ils aient un bien, qu'ils aient un héritage. Et Sophie réalise que ce ne sera pas possible avec ce taux variable, c'est tout simplement du suicide. Elle ne pourrait pas rembourser, elle risquerait de s'endetter, elle ne veut pas laisser des dettes à ses enfants. C'est pour ça qu'elle refuse tout simplement ce taux variable et qu'elle restera locataire toute sa vie, Benjamin. C'est vous qui le dites, et à Chris Ney. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous acceptez l'idée d'un apport personnel plus important quand on vient demander un prêt hypothécaire ? Mettez-vous à la place des jeunes qui travaillent, qui essayent tout doucement d'acquérir leurs biens comme tout le monde veut. Quand on pense déjà à tous les frais d'emprunt au niveau bancaire, déjà sur l'emprunt même. Mais sauf que vous me le dites, mais il faut le dire au secteur bancaire. Pourquoi le secteur bancaire pas à la place des jeunes ? Oui, mais surtout, mais ça justement, il y a peut-être des dirigeants qui doivent essayer d'agir là. En plus, est-ce que vous imaginez la répercussion sur la construction ? Parce que inévitablement, on va moins acheter, on va moins construire, on va moins rénover. Donc tout le secteur de la construction globale et tout ce qui tourne autour va forcément payer des conséquences aussi, puisqu'on va acquérir beaucoup moins de biens immobiliers. Donc voilà, comme a dit une auditrice tout à l'heure, c'est les petits qui vont payer et il n'y aura plus un accès à la construction, à la propriété que par les grosses fortunes. Puisque le monde change, est-ce que vous acceptez... Non, le monde change, il faut arrêter. 10% d'apport. Dans une limite. Mais vous savez ce coûte un emprunt, ce coûte des frais sur l'achat d'une maison ou sur la construction d'une maison neuve, ça tourne entre 17 et 21%, plus les frais d'emprunt sur un crédit hypothécaire. Donc ce que les jeunes doivent déjà amener, c'est déjà un minimum de 50-60 000 euros. Sur un bien à 200 000, on ne peut pas demander 10% d'apport, ça fait 20 000 euros. Oui, mais vous oubliez, oui, d'accord, ceux qui peuvent, mais vous oubliez tous les frais annexes, bien 200 000, tous les frais d'actes. Ah, mais ça, c'est pas le problème de la banque. C'est pas la banque qui met des taxes. Non, d'accord, c'est pas la banque qui met des taxes, mais il faut qu'ils s'arrangent avec l'État, ou alors on doit diminuer tout ça pour permettre de réduire, pour avoir un apport personnel. Pour avoir un apport personnel, il faut que des jeunes puissent continuer à vivre. C'est impossible de payer un loyer et d'envisager et de mettre des sous de côté quand on a un jeune ménage. Ou alors, il faut être hébergé chez des parents pendant 5 ans, ce qui n'est pas le cas et la possibilité, tout le monde non plus. Béatrice, puisque vous êtes contre l'apport personnel, alors vous acceptez de faire un geste sur la suppression des taux fixes ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Pourquoi l'un ou l'autre ? Ah ben les deux sont sur la table. Ou l'autre ? Ah ben oui, ben c'est pas pour ça qu'on doit accepter les deux. Hein. Ah ben vous voulez rien, eux sont en train de discuter et qui décide ? Ce sont les autorités qui gèrent le secteur bancaire, donc ce ne sont même pas nos banques, c'est ceux qui sont au-dessus. Nous allons alors, en quittant Christenay, Béatrice, nous allons à Tintigny maintenant. Yves, bonjour. Oui, bonjour. À qui parle-t-on ? Est-ce que vous êtes propriétaire ? Moi, j'ai un taux variable depuis 2011. Yves, permettez qu'on fasse connaissance 2 secondes. Êtes-vous propriétaire ? Oui, oui. Depuis combien de temps ? Ben, c'est ma deuxième maison que je construis, enfin avant je suis divorcé, donc en 2011 j'ai reconstruit et mon assureur m'a orienté vers un taux variable parce que les intérêts ne faisaient que descendre déjà en 2011. Vous avez votre taux en ce moment, vous le connaissez ? Attendez, hein. Non, mais pour vous donner au 27 août... Peu importe les chiffres alors Yves, pourquoi vous n'avez pas pris ce taux fixe ? Parce qu'on nous dit que le Belge raffole du taux fixe et c'est pour ça qu'il y a plein de colère au standard ce matin. Mais non, mais en fait, ça ne marche pas comme vous avez expliqué au début de l'émission. on ne paie pas plus cher les mensualités en fonction du taux qui augmente. Il existe un taux qui, comme le mien, donc, c'est les mensualités restent les mêmes chaque mois. Ce qui se passe, c'est que tous les ans, donc, je reçois un récapitulatif avec le taux qui a baissé. Eh bien, on m'a retiré des mois. J'entends bien. À la permettez-moi... fin du prêt. Donc, j'ai moins longtemps à rembourser mon prêt. Permettez-moi de vous expliquer ce qui tracasse les banques. Ce qui tracasse les banques, c'est qu'elles font du taux fixe. Sauf que les taux, effectivement, évoluent. Et parfois, les banques, elles doivent emprunter un autre taux. Or, à vous, le client, elles ont garanti un taux fixe. Mais ça les met dans l'embarras, puisqu'elles, elles doivent emprunter un autre taux. Et elles en ont marre d'être en permanence. Mais je vous dis que mon taux, il baisse. Le taux a baissé depuis 2011. Et mes mensualités, j'en aurai moins à rembourser. Si j'ai 50 mensualités, par exemple, depuis 2011, eh bien, actuellement, c'est 45. J'ai pas les papiers devant moi. J'entends bien, mais parce que vous êtes effectivement dans un taux variable, sauf que ce qui tracasse les banques, c'est le taux fixe. Voilà la raison et du questionnement ce matin. Mais j'entends que vous en sortez bien avec ce variable, dans un bon moment, évidemment. Mais la crainte, c'est que les taux remontent. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, on en a déjà parlé la semaine dernière. Certains font une légère adaptation. BNP Paribas Fortis, si ma mémoire est bonne, qui a fait une hausse de 0,10 sur le taux affiche du taux fixe. Fin de la parenthèse. On va marquer une pause. Dans un instant, à Frameries, Inès, qui viendra analyser les taux actuels, elle qui a acheté une maison il y a 22 ans. À l'occasion de la 12e édition de la Semaine Bio, organisée partout en Wallonie et à Bruxelles du 4 au 12 juin, Vivacité et l'APACW vous offrent des paniers bio. Écoutez le 5 à 7 avec Cyril et partez à la découverte de cette semaine riche en activités. La Semaine Bio, allez à la rencontre des acteurs du secteur bio en collaboration avec l'APACW. Il découvre RTBF Ovio. Et donc ici, je retrouve tous les podcasts radio. Je n'ai pas le temps de regarder, j'ai la petite épingle. Et voilà, c'est dans mon Ovio, je peux le regarder quand je veux à la maison. Rendez-vous sur rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. C'est possible. Pour réécouter les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur vivacité.be. On va au 0-70-233-466, tout ça dans la confusion générale, mais le secteur du bâtiment s'inquiète, Zoé. Oui, nous avons eu plusieurs personnes du secteur du bâtiment, notamment Patrick de Lierneux. Il s'inquiète si les gens achètent moins et c'est sûr que sa petite entreprise va en pâtir. Il est maçon et il pense que si les gens achètent moins, il y aura tout simplement moins de travaux. Il y a eu aussi Philippe Depen. Philippe Depen travaille aussi dans le bâtiment. Il est électricien et là où il se fait le plus d'argent, c'est sur ses petites maisons que les familles viennent d'acheter sur les les petits travaux qu'il doit faire, notamment pour sur des vieilles maisons où on a besoin de refaire l'électricité. Si les gens n'achètent plus, est-ce qu'ils auront encore besoin de personnes pour réaliser leurs travaux, puisque de toute façon, il n'aura plus pour lui de travaux importants à faire. C'est vous qui le dites, Framerie. Inès, bonjour. On laisse tomber Framerie deux secondes. Allons à Moucron. Ophélie est en ligne maintenant. Bonjour. Bonjour. Ophélie, vous avez acheté une maison en août 2015. Vous avez pris un fixe ou un variable ? J'ai pris un taux variable 10 ans et 3 fois 5 ans. 10 ans et 3 fois 5 ans. Je voudrais d'abord votre avis sur la philosophie générale. Les banques disent que ce n'est plus à nous de supporter les risques des taux fixes. Le risque doit peser sur les épaules du client. Sur la stratégie générale des banques, votre avis ? Je suis d'accord avec eux. Ah ben dites donc, ça va coûter plus cher aux clients, tous les clients s'affolent ? Ah ben non, parce que moi, mon taux variable me coûte moins cher que les taux fixes. Parce que les taux sont bas pour l'instant. Mais quand les taux vont remonter, celui qui est invariable, il va peut-être pouvoir se prendre une révision à la hausse. Oui, mais il y a toujours un maximum à payer. Moi, sur mon crédit variable, le plus que je puisse donner, c'est 720 euros, alors que mon loyer de maintenant est de 630 euros. Donc, ce n'est pas si énorme que ça. Donnez-moi un avis, puisqu'on discute de choses bancaires. Dans certains taux variables aujourd'hui, on peut faire non pas plus 3, moins 3, mais parfois plus 5, moins 5%. C'est exagéré, ça ? Oui. 5%, j'aurais pas donné, non. Alors, il y a l'autre élément, l'apport personnel. Vous, quand vous avez acheté, vous avez mis quel apport ? Aucun. La banque ne m'a rien demandé. Vous avez acheté pour combien d'euros ? Ma maison me coûte 145 000 euros. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à l'avenir, on demande 10% de la somme sur 145 000? Est-ce que vous acceptez l'idée que le banquier dise « si vous n'avez pas 10%, je ne vous prête pas » ? Non, parce qu'à côté de ça, il faut encore payer le notaire qui m'a coûté 17 000 euros. Donc, c'est sûr que s'il faut payer par le notaire plus 10% à la banque, ça ne serait pas possible d'acheter. Oui, mais le notaire, c'est autre chose. La banque, elle n'a rien à voir là-dedans. C'est l'État, le notaire, les droits d'enregistrement. Oui, mais pour les jeunes comme nous, c'est impossible d'avoir plus de 30 000 euros de côté. Bon, alors on se résume. Dans ces deux mesures-là, laquelle, si vous êtes obligé d'en prendre une, laquelle vous prenez ? La suppression du taux fixe ou l'apport personnel ? L'apport personnel. Ça, c'est celle que vous gardez ? Oui. Ok. Éliminez donc l'histoire du taux fixe. Un propriétaire depuis 26 ans à Grasselogne est en ligne. Alda, bonjour. Ah, bonjour, Benjamin. Est-ce que c'est une nouvelle grave, la suppression du taux fixe ? Ah oui, c'est une nouvelle très grave. Grave de quoi ? On a construit avec mon mari il y a 26 ans. Si on n'avait pas eu le taux fixe, je ne l'aurais jamais fait. On était plus jeunes, on était courageux, mais pas suicidaires. Hein. Parce que je savais au départ ce que j'allais devoir rembourser. Je savais que je pouvais le faire. Il fallait pas qu'on perde un emploi. Mais bon, il faut toujours... Qui n'était rien à rien, dit-on. Mais je savais que je pouvais. Pendant 5 ans, ça a été dur, très dur. Et puis les loyers ont augmenté, mais moi, ma maison, elle n'a jamais bougé. Il faut savoir que ma maison est payée depuis 2 ans, maintenant. J'ai 67 ans. Et je ne payais plus que, même pas 400 euros par mois, quoi. Disons que j'ai pu moi-même gérer le fait que, au bout de 10 ans, j'ai racheté mon prêt parce que les prêts ont diminué. Donc, aujourd'hui, il y a un changement de stratégie. Je vous demande un mot sur les jeunes de demain. Est-ce que supprimer le taux fixe, sachant qu'il y a des taux variables, 10 plus 5, donc qui sont révisés seulement au bout de 10 ans, est-ce que ça va vraiment empêcher les jeunes d'acheter ? Ah, pour moi, oui, parce que ils étaient déjà variables. Comme moi, j'ai acheté, on m'a poussé à prendre un variable, mais seulement si le taux augmentait trop fort, moi, je savais qu'en étant ouvriers tous les deux, on ne pourrait pas faire face. Donc, moi, je savais ce que je payais au départ. On a gratté pendant 5 ans. J'avais un adolescent qui avait à l'époque 17 ans. Vous savez ce que ça coûte un enfant de 17 ans, ce que ça veut, ce que ça désire, la mode, etc. J'ai toujours fait en sorte qu'il ne manque de rien, mais on s'est privé. On n'a pas eu de vacances pendant 5 ans. Mais alors quoi, vous suppliez les banques pour qu'elles gardent le taux fixe et qu'elles ne réforment pas ? Ah ben oui, écoutez... Et vous les suppliez pour qu'elles ne demandent pas d'apport personnel ? Mais vous comprenez, les jeunes, ils vont être tentés, on va leur dire, écoutez, le taux variable, il est très bas. Mais seulement dans 5 ans, il sera où ? Comment ils vont faire, les jeunes ? Déjà qu'il n'y a plus de contrat maintenant à durée déterminée, donc il n'y a plus vraiment, je veux dire, une qualité de vie comme nous, nous avions, il faut bien le dire, il y a des années. Mais alors, se lancer là-dedans, sans savoir où on met les pieds, je dis, moi... Ah ben, il reste le semi-fixe ou le semi-variable, c'est selon, hein, c'est pour ça. Vous me dites que c'est l'aventure. Si on supprime le taux fixe, certains dans le secteur bancaire ne disent pas ça, et certains sont d'ailleurs très satisfaits d'avoir eu du variable. Vous êtes à Grasse-Logne ce matin, 10h28, c'est l'heure de la proportion maintenant. Zoé, dans les Appelandes ce matin, combien estiment que les taux risquent d'augmenter d'ici 5 ans? 45% pensent que les taux risquent d'augmenter d'ici 5 ans. Ça fait déjà un bout de temps que les taux sont au plus bas. Et donc, il est évident pour la majorité, pour cette minorité, pardon, que les taux vont augmenter d'ici 5 ans. Et donc, pour eux, c'est tout simplement impossible d'avoir un taux variable, puisque on pourra peut-être payer au début, mais au bout d'un moment, on ne saura plus rembourser son taux. Le RTBF Mobile Info, Stéphane. Et les manifestants se trouvent sur le 40 vers Aix-la-Chapelle, donc Bruxelles-Aix-la-Chapelle, à hauteur de Alors. Le passage est difficile, c'est dans la bretelle de sortie évidemment qu'ils se trouvent. Ce sont des gardiens de prison qui bloquent le rond-point de Alors. Et puis à Biarzay, dans le rond-point, des manifestants bloquent également ce rond-point en direction de l'aéroport de Liège. Il s'agit d'agents pénitentiaires dans les deux cas. D'ailleurs, sur le 40 et Bruxelles-Aix-la-Chapelle, la sortie numéro 33, recours vers Aix, est impraticable. Une déviation est mise en place, c'est un chantier via Votem et à l'heure. Accident sur la Nationale 4, Namur-Bruxelles à hauteur d'Ernage. Le passage est difficile en direction de la capitale. Pour rejoindre Bruxelles, c'est fluide à l'exception de l'E19 qui vient d'Anvers. De légers ralentissements depuis Melsbrook. Sur le ring de Bruxelles, de très légers ralentissements en circulation intérieure entre Grand Bigard et Jette vers Zaventem. Et pour terminer, un radar sur la Nationale 90, Charleroi-Namur, entre Moustier-sur-Sambre et Franières en direction de Namur. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, la question qui dérange attend un nom. Parce que nous sommes toujours en période de grève dans les prisons, Koen Gaines a accordé des congés de longue durée à 202 détenus et 13 attendent le fin mot de leur congé. Est-ce que ça veut dire que la sanction, la condamnation, tout ça n'a plus d'importance? Est-ce que ça veut dire qu'on leur pardonne? En fait, j'attends un nom après la pause. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On va dans le potager et on plie les genoux, on fait un trou, on plante un chou et on se relève. Et un et deux et trois petits trous, on relâche bien les genoux et on y retourne. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? Bon, alors ici, c'est Brian au cybercafé. Là, c'est Brian au fast-food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là, ah ben on voit encore Brian au fast-food. Avec Orange, là, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bientôt la fête des pères. Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau? Ça tombe bien, Vivacité vous offre des Samsung Galaxy S7 Edge. Pour avoir la chance d'en remporter un, écoutez Cyril dans le 5 à 7, du lundi au vendredi, dès 17h. Bonne chance et surtout, bonne fête à tous les papas. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. 43e jour de grève dans les prisons et on apprend que Koen Gaines a accordé des congés de longue durée à 202 détenus et 13 attendent des nouvelles de leur congé. Est-ce que ça veut dire que la sanction, leur condamnation, tout ça n'a plus d'importance? Est-ce que c'est comme si on leur pardonnait, en fait, pour soulager les détenus, le travail des non-grévistes et le climat général? Koen Gaines a donc trouvé comme solution le congé. Vous cherchez Sophie Buzinaro, le bon interlocuteur dans ce dossier. Avez-vous un nom à nous donner? Alors Benjamin, vous allez parler à Marc Brizy, directeur de la prison de l'Ontario. Saint-Quentin où 30 détenus sont concernés. Avant de le contacter, j'ai réussi à avoir Kathleen Devaivor au téléphone. Il s'agit de la porte-parole de la justice. Elle m'a fait savoir qu'il n'était pas possible pour Koen Gaens, le ministre de la Justice, de nous accorder quelques minutes de son temps au vu de son agenda très chargé, surtout en ce moment avec la grève dans les prisons. Elle m'a cependant transmis des critères, ceux qui devaient être respectés par les détenus pour pouvoir obtenir ce congé pénitentiaire. Donc les voici. Alors, il faut avoir bénéficié d'un cycle de congé de 3 fois 36 heures, accepter d'être joignable à tout moment à un numéro bien précis donné à la direction pénitentiaire et réintégrer la prison quand le directeur en donne l'instruction. Il faut ne pas se rendre à l'étranger, ne pas dépasser 14 jours de congé, bien que demain ils ont une réunion pour savoir si ce congé pourra être prolongé. Ensuite, sont exclus de ce congé pénitentiaire les condamnés à une ou plusieurs peines pour infraction terroriste, pour infraction à caractère sexuel, les condamnés à une ou plusieurs peines pour un emprisonnement qui excède 10 ans et enfin les condamnés qui subissent la réclusion criminelle. Donc dans la prison de Lantin, 30 détenus sont concernés. Marc Brizy va venir vous en parler, Benjamin. Oui, on verra aussi quel est le signal donc donné par la société. Quand on libère des gens, qu'on leur octroie un congé qui n'était pas prévu, quel est le signal? Vous voulez inspirer la conversation, c'est via Zoé, laissez votre commentaire au standard. Ce commentaire de Christophe Delierneux, qu'importe le délit qu'ont commis ces détenus, on n'a pas le droit de les relâcher dans la nature sous prétexte que Koen Gaens ne sait pas gérer la crise prison. Christophe est remonté contre le ministre de la Justice. La solution face à la grève des gardiens, ce n'est pas de pardonner, mais de donner plus de moyens aux gardiens de prison. C'est vous qui le dites. On en reparlera donc à 10h45, rendez-vous à 10h45. Bon, en attendant, vous avez choisi une conversation sur cette révolution. Le secteur des banques veut faire disparaître les taux fixes et veut un apport personnel plus important au moment de faire le prêt. Est-ce que c'est jouable? 070-233-466 par SMS au 3063. Un candidat acheteur est en ligne, Laudelin Sarr. Kevin, bonjour. Bonjour. Vous envisagez d'acheter? Vous avez déjà trouvé le bien ou pas encore? Pas encore, non. Je suis à la recherche. Est-ce que vous avez l'apport personnel, puisque demain, il faudra venir avec une mallette de billets? Oui, j'ai un apport personnel. Maintenant, autant emprunter toute la somme, garder notre pomme pour la soif. Le but, c'est d'emprunter de l'argent, d'emprunter la somme qu'on doit payer, et non pas venir avec un apport. L'indiscrétion, vous avez combien d'apport personnel? Une dizaine de milliers d'euros. Et avec ça, vous devrez gérer et frais de notaire et apport à la banque. Ça va être juste? Oui, justement. Donc, je préfère payer mes frais de notaire avec mon apport que de payer la banque, alors que c'est de me prêter de l'argent. Oui, mais si demain, la banque, elle vous dit « Moi, je ne vous prête que 90% de la somme, vous devez avoir 10%. » C'est totalement illogique. Ils y réfléchissent. Il n'y a aucun sens à ça. Si vous devez emprunter pour une voiture, par exemple, vous empruntez la somme de la voiture, on ne vous demande pas d'arriver avec 10%, 15% ou 20%. Pour la banque, il y a du sens. Minimiser les risques qu'elle prend, elle en a marre de prendre des risques. Écoutez, nous, on paye un service à la banque. Ils font, avec notre argent, des multiplications de bénéfices, rien qu'avec notre apport mensuel, exorbitant. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent demander aux gens d'apporter encore plus d'argent? Donc, apport personnel, vous ne prenez pas. Mais, on vous dit, moi, j'abandonne les taux fixes. Est-ce que ça, c'est grave? C'est encore plus grave, c'est suicidaire même. Pourquoi? Parce que, à l'heure actuelle, on a des taux qui sont très très bas, qui varie entre 2% et 3,50%. Vous avez déjà été vous renseigner à la banque en ce moment? Bien sûr, oui. Et s'il faut choisir entre le fixe ou le variable, puisque là, tout est encore possible, vous prenez quoi? Le fixe, bien sûr. Le variable n'a aucun sens dans le contexte économique actuel. Les taux vont remonter, qu'on nous dit. Justement, Benjamin. Parce que si vous empruntez maintenant à un taux de 2,50 ou 3, et que dans 5 ans, il est à 7 ou 8, vous faites comment pour payer? C'est tout le point d'interrogation. Et pour l'instant, donc, on est encore à système statu quo. Le changement n'a pas encore été effectif et acté. Allons au 070-233-466. Si le taux fixe disparaît, ce sera une crise immobilière à l'américaine, vous dit-on, Zoé. Et c'est Julien de Trois-Ponts qui me dit ça. Il se souvient de ce reportage aux États-Unis sur les subprimes, avec des quartiers désertés par des personnes qui ne savaient pas régler leurs dettes et qui tout simplement abandonnaient leur maison plutôt que de régler leurs prêts hypothécaires. Alors, que veulent les banques? Faire comme à l'étranger? Imposer un taux variable lorsque les gens ne pourront plus payer parce que les taux sont trop élevés? Les banques saisiront les maisons et encore une fois, c'est les banques qui s'enrichiront et sur le compte des petits ouvriers qui, eux, seront gravement endettés et ne se deviendront peut-être des SDF, nous dit Julien. Saint-Hubert est en ligne. Denis, bonjour. Bonjour. Les taux fixes disparaîtront. Ça va empêcher qui d'être propriétaire? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Les jeunes? Tous les jeunes qui vont devoir emprunter maintenant. Mais ils pourront toujours prendre le taux variable. Oui, mais le taux variable, il n'est pas intéressant puisque les taux seront plus bas. C'est pour ça que les banques font ça. C'est parce qu'ils sont plus bas. Donc ils savent très bien qu'ils vont se retrouver comme ça. Et on les a déjà renfloués en 2008 pendant la crise. Ce qu'on n'aurait déjà pas dû faire, on aurait dû laisser tout s'écrouler. Et il y aurait d'autres banques qui seraient venues avec des autres systèmes. Vous allez dire quoi aux banques? Qu'elles sont injustes, qu'elles sont méchantes ou qu'elles sont prudentes? Elles veulent faire reposer le risque sur les épaules du client que vous êtes. Ah oui, ben, qu'ils ne prennent pas de risque en allant jouer en bourse alors. Ah ben, vous avez vu que les conditions ont changé, qu'elles sont moins aventureuses qu'avant, les banques. Oui, mais ils jouent toujours en bourse, il y a toute une magouille qu'on ne connaît pas là-dedans. Et quand vous y allez pour faire un investissement, elles ont l'obligation de faire votre profil d'investisseur pour voir si vous êtes un aventureux ou un raisonnable. Donc, elles ont pris le chemin de la prudence. Oui, mais un peu trop. Elles ne prennent plus de risque du tout. Moi, je suis indépendant en plus. C'est très difficile d'acheter du matériel et tout ça. Elles ne prennent plus de risque du tout. Il faut toujours un apport personnel maintenant. Ah, mais donc vous aimez l'idée d'une banque qui prend des risques? Mais c'est le but. Une banque est créée pour prendre des risques. Ah ben là, c'est un débat philosophique sur les raisons d'existence d'une banque. C'est pour prendre des risques ou c'est pour aider l'économie dans les différents projets? Je laisse le point d'interrogation à Saint-Hubert. 10h40, on appelle les experts. Économiste chez ING, bon observateur de l'économie belge internationale, Philippe Ledent est en ligne. Bonjour. Bonjour. D'abord, 2 secondes de pédagogie. Ce comité de Bâle, c'est qui? Quand on le présente comme ça, on a l'impression que ce sont les chefs des banques. C'est qui, le comité de Bâle? Alors non, c'est pas les chefs des banques, c'est un espèce de grand comité consultatif qui gère, entre guillemets, les recommandations en termes de régulation bancaire. Donc en fait, d'un côté, chaque banque, par exemple en Belgique, va être régulée par la Banque nationale et par la FSMA. Donc ça, ce sont les régulateurs nationaux. Et au niveau international, ce comité de Bâle est un groupe qui va essayer de donner les grandes lignes de dans quelle direction doit aller la régulation bancaire. Donc est-ce que vous y croyez alors? Oui. Grandes lignes, allons-y. Est-ce que vous croyez à la disparition du taux fixe à moyen terme? Sincèrement, je dirais non en tant qu'observateur. Hein. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est amené à disparaître. Ici, on a effectivement des modes qui sont en fait assez différents d'un pays à l'autre. Et effectivement, dans certains pays, le taux fixe, c'est quelque chose qui est quasi inexistant. Donc, au niveau international, il y a un moment une discussion pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qui serait le mieux. Bon, OK, voilà. Maintenant, est-ce que ça amènera un jour à la disparition du taux fixe dans un pays comme en Belgique où il est largement utilisé? Sincèrement, je ne crois pas. Mais je ne vais pas vous apprendre qu'il y a des stratégies. Quand on fait en sorte que le taux fixe redevienne très cher, c'est pour le rendre dissuasif. Et on a vu la semaine dernière que BNP Paribas, qui en général donne le là, avait augmenté son taux fixe affiche de 0,10. C'est pas le signe qu'on est en train d'aller vers une hausse du fixe? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu ici dans cette très légère hausse des taux fixes la semaine dernière. Fondamentalement, attention, les taux restent historiquement bas. Jamais dans l'histoire, les taux n'ont été aussi faibles. Rappelez-vous simplement, nos parents ont contracté des crédits hypothécaires à du 8, 9, 10%. Donc aujourd'hui, quand on regarde le niveau des taux fixes, c'est quand même très très faible. Mais ce que le comité de Bâle dit, C'est de dire, en fait, quand on a un taux fixe, en fait, la banque se bloque pour une période très longue, 15, 20 ans, parfois encore plus. Et donc, est-ce que là, ce n'est pas dangereux au cas où les taux remontent ? Donc ça rentre dans le calcul de risque que la banque doit faire. Et il se fait que, voilà, ce comité de Bâle, ce comité d'experts dit, en fait, il vaudrait mieux que la banque ne prenne pas un risque aussi long dans une période où les taux sont particulièrement faibles. Philippe Ledent, je viens sur une autre mesure qui est peut-être la demande d'un apport personnel plus important. Oui. Quand on réfléchit ce matin entre consommateurs, on se dit que c'est une stupidité, parce que demander un apport personnel plus important, c'est se priver d'une partie énorme du marché, puisque plus personne n'a de fonds. Alors pourquoi le système bancaire réfléchit à ça ? Donc encore une fois, c'est pas le système bancaire, ce sont les régulateurs du système bancaire, donc c'est fondamentalement plutôt ceux qui sont contre le secteur bancaire, hein. Soyons quand même assez clairs là-dessus. Et donc, eux partent du principe, quand une banque fait un crédit hypothécaire, elle prend l'entièreté du risque. Par contre, si on demande un apport personnel, elle ne va pas prendre l'entièreté du risque. Comme on veut que les banques prennent moins de risques, on va dire, voilà, on veut qu'il y ait un apport personnel. Encore une fois, forcément, ça diminue le nombre de crédits qui peuvent être faits dans une économie. Donc, c'est fondamentalement pas nécessairement à l'avantage des banques. Mais voilà, encore une fois, qu'un comité d'experts réfléchit là-dessus, c'est pas pour ça que ça va se faire. Ah, c'est la réflexion qui est en cours, effectivement. Mais donc, tout ça est autour du risque. Et vous avez entendu, avant vous, à Saint-Hubert, Denis dire qu'une banque était là pour prendre des risques. Je vous dispense du commentaire là-dessus. Philippe Ledent, vous êtes économiste chez ING. Merci pour l'éclairage sur la trajectoire et la volonté bancaire. 070-233-466 par SMS au 3063. Nous sommes à Liège maintenant. Marie, bonjour. Bonjour, Benjamin. Est-ce qu'on peut reprocher aux banques de mettre en place un système prudent ? Bah, je crois que oui, ils essayent, eux, d'en avoir le plus possible, et puis tant pis pour les petites gens. Mais, bon, moi j'ai fait mon prêt. Les petites gens, elles pourront toujours emprunter. Oui, mais bon, c'est vrai que les taux, maintenant, par rapport à ce que quand moi j'ai acheté il y a 30 ans, voilà, c'est... Vous avez eu quoi comme taux ? Moi, il était à 8%. Ah ben aujourd'hui, il y a des taux à 2%, même moins. Voilà, mais le problème, ce n'est pas tellement le taux du prêt, c'est le prix des maisons de départ. Comme ça, moi, j'ai une grande maison, mais quand je l'ai achetée il y a 30 ans, ben, elle était à 900 000 francs belges. Mais ça, le taux de l'immobilier, le marché de l'immobilier, on peut pas accuser les banques. On ne peut pas accuser les banques, mais c'est ça qui fout un petit peu les gens dans la merde, comme on dit vulgairement, c'est que le prix des maisons étant tellement élevé pour des petites maisons bien souvent, plus les intérêts, plus les travaux à faire, ben c'est ça aussi que les gens parfois ne s'en sortent plus. On parle chiffre deux secondes. Un jeune se présente, a face à lui une maison à 200 000 euros, et la banque dit « je te prête si tu viens avec 10%, c'est-à-dire 20 000 euros ». C'est choquant ou c'est raisonnable ? Sur une maison de 200 000, venir avec 20 000 cash ? Ça, c'est encore raisonnable. Ah, donc 10% d'apport personnel, vous dites oui ? Voilà, je dis c'est encore possible. Encore et toujours si le jeune a la famille derrière lui pour l'aider. 20% d'apport personnel, vous dites oui ? Oui. À 20% d'apport personnel, vous dites oui ? Ah non, pas 20% d'apport personnel. Si par exemple, sur 200 000 euros, parce qu'il ne faut pas oublier, et ça, vous l'avez dit tantôt, il y a les frais de notaire, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent quand on achète une maison. Ah oui, mais je radote un peu en boucle, mais les frais de notaire, les droits d'enregistrement, ça, ce n'est pas la responsabilité de la banque, c'est la responsabilité de l'État. Allons au 070-233-466. Dernier coup d'œil sur l'immobilier, Zoé. Oui, ce dernier coup d'œil, c'est Laurent de Tenneville qui nous le donne. Il pense que ces taux variables, c'est certain, vont tout simplement diminuer donc les prêts hypothécaires au niveau des banques, mais que ça va assurer tout simplement des prêts qui vont être remboursés. Il s'explique, c'est-à-dire que les banques, au lieu d'accorder des prêts à n'importe qui avec des prêts fixes, vont tout simplement donner de l'argent à des gens qui vont s'assurer de rembourser l'entièreté de leur prêt hypothécaire. Pour Laurent, c'est une évidence, ces taux variables sont avantageux. On change de chapitre. Question qui dérange dans un instant. Quand on donne des congés longue durée à un détenu pour qu'il ne reste plus en prison, c'est comme si on le pardonnait en fait. Il découvre RTBF Ovio. J'adore aller au cinéma, donc je vais regarder dans la barre de recherche cinéma ce qu'il propose. Voilà Burkland. Deux épisodes à découvrir, purée. C'est fantastique. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. C'est possible. Pour réécouter les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur vivacité.be. Le Spa Eurorace. Les 11 et 12 juin au circuit de Spa-Francorchamps. L'unique représentation du bel car à Francorchamps. Des courses internationales. Porsche, Ferrari, BMW et Aston Martin. 9 courses au programme. Un spectacle intense et gratuit. Infos et invitations sur racspa.be. Avec l'avenir et vivacité. Depuis des années, JC Car vous garantit un service VIP pour votre Land Rover. Dès le 1er juin, retrouvez la même qualité de service pour la réparation de votre Jaguar. Votre Land Rover et les réparations officielles Jaguar méritent le meilleur. JC Car, à Wem. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Soleil ou vent, vivons mieux l'énergie avec Engie Electrabel. Phare anti-brouillard avant ? Oui. Système téléphone main libre avec commande vocale Fortink ? Oui. Climatisation ? Oui. Que demander de plus ? Le prix ? Ford Fiesta Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. C'est vous qui le dites ? La question qui dérange. Koun Gaens a accordé des congés de longue durée à 202 détenus. Est-ce que ça veut dire qu'on leur a pardonné en fait et que la condamnation n'a plus d'importance ? Avant d'interpeller le directeur de la prison de Lantin, dernier commentaire au standard Zoé. Ce dernier commentaire, Duc de Gré d'Oiseau, libérer des détenus, que ce soit des petits ou des grands délinquants, c'est une ineptie en cas de récidive pendant leur congé. Est-ce que Koun Gaens va se porter garant ? C'est la question qu'il vous demande de poser à Marc Brizy, le directeur de la prison de Lantin, Benjamin. 30 détenus sont concernés par ces congés à Lantin. Marc Brizy, directeur de prison en ligne, bonjour. Bonjour. Les 30 chez vous qui ont reçu le congé longue durée, dans quel état d'esprit ils l'ont reçu ? Ils ont vu ça comme un cadeau de l'État ? Je pense qu'ils l'ont d'abord vu comme un soulagement pour échapper à leurs conditions de détention qui, pour tous les détenus depuis 42 jours maintenant, sont très difficiles à assumer. Et donc, effectivement, ça a été une chose très positive pour eux. Comment ? Puisque dans les conditions, il faut notamment déjà avoir reçu un congé pénitentiaire et s'être bien comporté. Ça veut dire quoi, s'être bien comporté dans un congé pénitentiaire ? Ça veut juste dire être revenu à la prison en temps et en heure ? Alors, il faut qu'ils aient d'abord réussi 3 congés et non pas 1. Bien se comporter, c'est évidemment réintégrer à l'heure et à temps. Mais c'est aussi respecter toutes les conditions qui sont fixées à leur congé. Donc, il y a des conditions qui sont générales à tous les détenus, comme par exemple ne pas commettre de nouvelles infractions, bien sûr. Et puis, il y a des conditions particulières qui sont déterminées en fonction du profil du détenu, de son parcours en détention, de son parcours criminel. Et ce sont toutes des conditions qui sont établies pour éviter, pour aller à l'encontre des contre-indications. Donnez-moi un exemple précis avec vos détenus, sans donner les noms, bien sûr. Mais quand on parle de congé de longue durée, on parle d'un congé de combien de temps ? Ce sont des gens à qui on a dit au revoir pour un mois, deux mois, deux semaines. Quel timing ? 14 jours. 14 jours ? 14 jours. Donc les premiers sont partis le 27 avril et devraient réintégrer la prison ce vendredi, 10 juin. Sauf si la mesure est prolongée. Qui peut prolonger cette mesure ? Et deuxième question, est-ce qu'elle est prolongée automatiquement si la grève ne se termine pas ? Alors, la première question, ce sera une décision du cabinet du ministre, bien entendu, en concertation avec notre administration centrale. La deuxième question, elle sera peut-être prolongée, je ne sais pas pour quelle durée. Dans l'esprit, si c'est une décision du cabinet du ministre de la Justice, libérer longue durée, c'est le fait du prince, c'est une décision politique, ça passe plus par un tribunal d'application des peines ou un autre organisme, c'est le fait du prince. De toute manière, les congés pénitentiaires ne sont pas accordés par le tribunal d'application des peines, mais c'est toujours de la compétence du ministre et donc de son administration. Et donc ça concerne des détenus qui bénéficient déjà de congés pénitentiaires, donc des détenus dont le dossier a fait l'objet d'un examen rigoureux par le passé, d'abord par les services au niveau local et ensuite par l'administration pénitentiaire centrale qui a déterminé que les conditions étaient remplies pour pouvoir octroyer ces congés. Ça crée de la jalousie entre détenus ? Ça peut créer de la jalousie par rapport à certains détenus qui ont eux aussi des congés pénitentiaires, mais qui ne rentrent pas dans les conditions. Pour tous les autres détenus, ben, ils savent bien qu'ils ne bénéficient déjà pas de congés traditionnels, et donc par conséquent, ils comprennent qu'ils n'ont pas les congés prolongés. Dernière chose, mais je vous demande une réponse brève. Vous qui êtes directeur de la prison de Lantin, donc au cœur des questions de réinsertion et de sanctions, est-ce que c'est un bon signal ou ça veut dire que la sanction, la condamnation n'a plus d'importance? Il y a comme une forme de pardon en fait, qui se matérialise dans un cadeau. Dans un cadeau, dans un congé? Non, ce n'est pas dans ce cadre-là qu'il faut l'envisager. Le congé pénitentiaire fait partie du parcours de la détention pour permettre aux détenus de se réinsérer dans la société, de reprendre une place progressivement. Il arrive en bout de parcours pour le détenu. Ici, évidemment, il est tout à fait exceptionnel, mais il a été octroyé pour des raisons humanitaires et aussi pour diminuer la pression au sein de l'établissement. Vous êtes directeur, prison de Lantin. Nous sommes ce matin au 43e jour de grève et toujours pas d'informations sur une éventuelle levée des piquets. Ce conflit des agents pénitentiaires est toujours en cours. Merci de nous avoir rejoints depuis la prison de Lantin. Chez vous, 30 détenus sont concernés par ces congés. 202 au total les ont reçus et 13 attendent encore une libération éventuelle. On va vers les enseignements. On n'est pas des pigeons. Vous non plus ? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables ! Avec Queen, Renaud, Puggy, Black Eyed Peas, Avicii, Dimitri Vegas, Bruno Mars. 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges. En vente partout et sur la boutique RTBF. À l'occasion de la 12e édition de la Semaine Bio, organisée partout en Wallonie et à Bruxelles du 4 au 12 juin, Vivacité et la PACW vous offrent des paniers bio. Écoutez le 5 à 7 avec Cyril et partez à la découverte de cette semaine riche en activités. La Semaine Bio. Allez à la rencontre des acteurs du secteur bio en collaboration avec la PACW. Exclusivité RTBF. Dans une semaine, nos diables seront à l'euro. Enflammez le supporter qui est en vous. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. Ça alors ? Vous savez qui vient dans le 8-9 ce mardi ? Sophie Favier. Dans Jamais aussi bien qu'à 50 ans, elle livre les secrets de bien-être. Les siens, de l'appartement cocon au comportement à avoir quand on est une femme de 50 ans. Et comme on est gentleman dans l'équipe, on parlera presque pas de Cocorico Cowboy. Mais un peu quand même. Ah bah c'est Sophie Favier quand même. De 8 à 9, avec Benjamin Maréchal. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise est toujours embêtant. Heureusement, Carglass est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Carglass est toujours prêt à vous aider, aussi vite que possible. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. On commence par des briefs questions qui dérangent. 202 détenus en congé longue durée grâce à Koen Gaines. Les commentaires sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, Marion Jomotte. Et vous êtes 36 610 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Victoria rappelle que les détenus sont aussi des personnes à part entière et quelle que soit leur faute, eh bien ces personnes ont droit à un minimum de dignité, comme avoir accès aux besoins les plus rudimentaires. Ici, ce n'est plus le cas depuis un mois et demi, alors il faut trouver des solutions. Victoria ne dit pas que c'est la meilleure, mais au moins la tension va sûrement baisser un tout petit peu dans les prisons. Vous avez choisi une conversation sur cette révolution. Le secteur des banques veut faire disparaître les taux fixes et veut un apport personnel plus important au moment de faire le prêt. Est-ce que c'est jouable ? Eh bien, à propos du taux fixe, vous avez estimé que sa disparition n'était pas un drame, tant les taux variables étaient encore intéressants aujourd'hui, étaient également très intéressants aujourd'hui. Attention, les taux remontent. Sur l'apport personnel, vous aurez noté le cri d'alerte des parents. Changer le système empêchera nos jeunes de devenir propriétaires, car plus personne